Bonsoir à tous, on se retrouve sur Radio Campus Orsay pour l'émission du vendredi, c'est l'émission des prénoms. Comment vous allez ? Fort bien. Fort bien ? Ça va. Bon, comme d'habitude, Renan arrive en retard parce qu'il est encore à Robinson et je sais plus le nom de son professeur, mais soi-disant il le retient. Mon avis, c'est juste qu'il aime pas être à l'heure, il va se faire remarquer. Là, il est encore à Robinson maintenant ? Ouais, il va pas aimer quand il va venir. Bah, c'est une question de se faire remarquer, non ? C'est ce que t'étais en train de me dire. Ouais, c'est il ça, veut exactement. Juste faire le cake. Exactement, il fait le malin, comme on dit. Bon bah on retrouve Dimitri, tu as déjà été notre invité. Oui. Notre invité mystère. Oui. Et là aujourd'hui tu viens nous présenter un peu ce que tu fais dans ta JE, c'est ça? Voilà, dans la junior, ouais. Avec Pierre-Étienne également. Bonsoir. Nous sommes tous les deux voilà, dans la junior. Bon, tu veux présenter la junior ou... Bah on va faire un petit tour aussi pour présenter. Alors on a notre invité mystère. Tu veux t'appeler comment? Sans donner ton vrai prénom. Oh il est timide. Il est timide cet invité mystère. Je sais, faut que je choisisse vraiment un nom. Un nom au hasard. Stylé. Ah oh, vas-y, stylé. Renan. pas très stylé ça. Non, c'est pas Maxi stylé. c'est pas Maxi stylé. Lucien. Lucien. C'est chelou. Lucien, c'est bien. Bon, Lulu, c'est pas mal. Ouais, Lulu, c'est un peu bizarre. Lucien. Ouais, Lucien. Bon, très bien, Lucien. Et on a oh, la chance d'avoir Kevin avec nous ce soir. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Il y avait une table vide. Et tu t'es dit, bim bam boum, je vais travailler, ouais, je vais faire mon travail. Exactement, je vais pouvoir travailler et papoter en même temps, c'est trop cool. C'est génial. Donc, comme on l'a dit, Dimitri est JE, c'est ça? PE. PE, ouf. C'était fait exprès ça, non? C'était bof fait exprès, je pense que mon cerveau a juste bugué. Et PE sont là pour vous présenter JE. Alors, c'est quoi exactement une JE? Tu l'as déjà un peu présenté dans une émission d'avant. Alors, une JE, donc c'est une asso... un peu particulière et le but c'est de mettre en relation des étudiants qui étudient dans une école ou une faculté, les mettre en relation avec des entreprises pour lesquelles ces étudiants ils vont réaliser des prestations rémunérées. Donc voilà. Donc ça dépend dans l'endroit où... dépendre de l'endroit... voilà, c'est par rapport à ce qu'on étudie, voilà exactement. Donc si vous êtes dans une école de traduction, vous pourrez faire des traductions pour des entreprises. Concrètement. Ce qui est le cas ici pour vous. Qui est, oui, là, c'est l'une des choses dont on. Enfin, c'est l'une de nos prestations, oui, la traduction. Alors, vous êtes à quelle université On est à Paris 3, c'est la Sorbonne Nouvelle, c'est à Sancier, de Brenton, dans le quartier latin de Paris. D'accord. Vous étudiez chacun depuis combien de temps Ça fait 4 ans qu'on est à la Sorbonne Nouvelle, nous deux, dans LE anglais russe. On est dans la même classe. Waouh. Et c'est l'amitié qui a permis de exactement. Commencer à fabriquer. Non, c'est la. C'est pouvoir de l'amitié. C'est la haine. C'est la haine. La haine. C'est qui c'est qui va mieux réussir? Qui est-ce qui va mieux réussir? Non. La haine envers les autres. Ah, d'accord. Vous détestez les autres et c'est ça qui vous rallie. Non, c'est une blague en vrai. C'est juste qu'on estime que c'est une bonne chose à faire. C'est intéressant pour nous, c'est intéressant pour les étudiants. Et puis, c'est une expérience intéressante et valorisante de tout point de vue. Donc, on s'est dit, on va faire ça, quoi. Bah, en plus, il ne me semble pas que vous ayez rejoint un projet déjà existant, c'est vous qui l'avez lancé. Voilà, c'est ça, oui. Donc, on a lancé cet asso dans notre fac. Il faut savoir que ce genre d'association existe dans d'autres écoles et d'autres universités. Mais dans notre université, concrètement, ça n'existait pas. Et du coup, on a lancé cet asso, ouais. Voilà. Okay. Et il y a plein de choses à suivre pour faire partie des JE. C'est assez compliqué, tu m'avais expliqué. Voilà, c'est ça, c'est très compliqué. Bah, Pierre-Étienne, tu veux en parler un peu? Ah oui, de quoi tu veux que je parle? Différentes étapes, il me semble. Au début, tu n'es pas JE dès le début. Oui, au début, tu commences, tu es juste une junior ou une asso, à défaut de meilleurs termes. Et après, des visites qualité, des entretiens, des audits comptables, tu peux rentrer dans la CNJE, c'est la Confédération Nationale des Juniors Entreprises. C'est le plus grand mouvement confédéré d'étudiants de France. Et là-bas, ils te donnent des marques, typiquement junior pépinière, junior création, junior entreprise, la plus haute. Et ces marques sont un gage de qualité pour les entreprises et les autres juniors par rapport à ton activité. D'accord. Vous en êtes où là? Vous avez quel badge? Ah, nous, on est en train de passer le premier badge au bout d'un an, junior création du coup. Voilà. On a soumis notre dossier, on attend une réponse. Et vous êtes combien dans ce projet? Là, on est. On est 13. Ouais. On vient de recruter un nouveau membre récemment. Elle est gentille. Elle a l'air gentille. Ouais, moi en plus, je l'ai pas encore vu. Ah oui, vous recrutez sans voir. Mais nous, on est en haut. Ah oui, on est corporate ladder, on est en haut. Faut pas se. Et il y a les plebs en bas. Ah ouais. Qui absolument. Travaillent pour nous. Non, mais en vrai, c'est juste que. Ici en premier. On a. Non, on a. Enfin, c'est pas toujours nous qui passons les entretiens. Parce que. Enfin, voilà, on essaie de séparer les tâches. Et nous, on n'a pas passé l'entretien de cette fille particulièrement, quoi. Et du coup, on l'a pas encore vue. Parce qu'elle vient de rejoindre, donc. Mais on aura l'occasion de la voir bientôt. Ça crée pas mal de réseaux alors. Est-ce que vous avez déjà donné beaucoup de travail aux étudiants de votre université? Bah, beaucoup, je sais pas. Qu'est-ce qu'on considère beaucoup? Le nombre d'étudiants ou le travail que vous leur avez donné? Bah, non, on peut pas dire beaucoup d'étudiants parce que on a. Malheureusement, quand on débute, c'est difficile de trouver, des clients parce que bon, personne te connaît donc c'est plus difficile. Mais après, au niveau de travail, il y avait quand même un travail conséquent. Donc, notre première mission pour une étudiante, c'était quand même une grosse, grosse traduction d'une nouvelle. Et c'était assez difficile. Elle a traduit en quelle langue, par curiosité ? Elle a traduit d'anglais en russe. Voilà. C'était 22 000 mots, c'est ça ? Ouais, 22 000 et quelques. 22 700, je crois, quelque chose. Du coup, l'étudiante a travaillé 2 semaines dessus, 2-3 semaines, et elle s'était fait 900 euros, un truc comme ça. Ouais, 2 semaines, et elle s'est fait, ouais, ça, 800 et quelques. Aussi. Ouais. D'accord. Mais c'était pour une maison d'édition ou... Non, c'était un particulier qui voulait que sa nouvelle soit traduite. Voilà, c'est ça. D'accord. Et la JE gagne un peu d'argent aussi pour pouvoir se développer en partie c'est plus pour la relation entre les étudiants et la société. La structure, elle gagne de l'argent sur chaque mission. Ça dépend un peu de la nature de la mission, mais on gagne la structure garde une partie de la mission. C'est-à-dire entre deux tiers. Un tiers et la moitié. Et l'étudiant garde le reste. Mais c'est pour développer la structure. Voilà, pour aider à trouver plus de missions et faire des événements pour les étudiants, des ateliers. On fait des ateliers de formation également. On fait des campagnes de levée de fonds pour les ONG, des trucs comme ça. Du coup, on a besoin d'argent. Il faut des qualités particulières pour lancer ça, à part être ambitieux. Persévérer, je pense, c'est important, parce que sinon ça tombe à l'eau très vite. L'idée c'est que justement la CNJE elle est là aussi pour aider un peu, encadrer, guider. Donc l'idée c'est que vraiment n'importe quel étudiant peut prendre la chose et porter ce projet. Mais bon, après ça dépend aussi de l'environnement. Il y a par exemple en école c'est plus facile parce que on se fait plus remarquer, alors que dans une faculté, surtout la nôtre, il y a beaucoup de flux, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'informations, donc ça se perd très très vite. Donc ça dépend aussi de l'environnement, donc des fois c'est plus facile, des fois c'est plus difficile, mais voilà, je pense que le plus important c'est d'être ambitieux et persévérer, quoi. Je sais pas, tu penses à autre chose, toi, ou pas? Ouais, non, je pense que c'est plus une question de mentalité à avoir. Je répète souvent à l'équipe qu'il faut mieux chercher des solutions que chercher des excuses face à un problème, et je pense que c'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir. Je pense que c'est la mentalité qu'il faut vraiment avoir, c'est chercher des solutions et non des excuses quand on a un problème. Okay. Est-ce que vous avez été beaucoup soutenu par votre université? Ça a été

sur Radio Campus Orsay, juste après ce merveilleux verbe et cette poésie sans nom. Caris. Merci. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Je me rappelle plus. Lucien. Julien. Non, je sais plus. C'était Lucien. C'était Lucien parce que c'était Lulu. Lucien, ouais, c'est ton, ça, ouais, ton faux prénom d'invité mystère. On est toujours avec la JE de Sorbonne 3. De Sorbonne. C'est ça. Exact. Sorbonne, bonne nouvelle. Avec Dimitri et PE. Pierre-Étienne. Exact. Voilà, pas confondre avec la JE. Exact. Et je vous avais demandé si vous étiez soutenu ou non par votre université et comment ça s'était mis en place. Bah, tu veux répondre ou... Bah, à la base, l'initiative vient d'une personne de l'université puisque j'étais allé dans une réunion d'information sur l'entrepreneuriat en général auprès des étudiants et Brigitte Chautel, la responsable université-entreprise de notre université, m'en avait parlé. Elle m'a dit « ce serait bien que tu le fasses », du coup j'ai fait « ok ». Et du coup je l'ai fait. Et depuis, elle nous a aidé avec d'autres membres de l'université. Après, on n'a pas forcément été soutenus de manière financière ou en nous fournissant des clients, c'était vraiment juste des conseils et de l'accompagnement. Ok, vous voulez que quelque chose soit mis en place. Voilà. Mais qu'un accompagnement, c'était vraiment sur vous qu'il fallait compter, quoi. C'était pas. Ah oui, c'était vraiment genre une initiative étudiante faite entre nous et le but c'était que ce soit nous qui faisions le travail et pas vraiment que l'université interagisse. C'est un peu le principe en soi de la JE. Et de l'entrepreneuriat en général. Il faut que ça vienne de la personne qui se lance, je pense. Mmh. Alors, dis-moi si je me trompe, Dimitri, mais il me semble que tu m'avais expliqué que tu ne peux pas rester un temps infini dans la JE. Oui, alors, enfin, après, si on est réélu, on peut rester, mais l'idée, c'est vraiment de passer au mandat suivant, parce que le but, c'est de créer cette asso de manière à ce que ce soit, qu'elle soit pérenne. Mm-hmm. Et du coup, l'idée, voilà, c'est on fait un mandat et après, on le fait passer au mandat d'après, quoi, et le but c'est que ça se développe, mais grâce à, enfin, chacun apporte quelque chose, mais ça se développe enfin, une fois qu'une fois que les participent, voilà, c'est ça, vraiment un travail commun, c'est ça. Et le but aussi c'est que les gens qui abandonnent les postes permettent à d'autres de pouvoir apprendre en prenant un nouveau poste, que ce n'est pas forcément le cas. Si tout le monde garde tout le temps son poste pendant 2 ou 3 ans, c'est une opportunité perdue pour d'autres étudiants. Oui. Et c'est super valorisé une fois qu'on a fini ses études, normalement. Oui. C'est quelque chose qui est assez reconnu sur le monde du travail, enfin dans le monde du travail. Mmh. D'accord. Et est-ce qu'il y a des perspectives donc il y a les clients et de l'autre côté il y a les étudiants. Est-ce qu'il y a des étudiants qui peuvent ensuite se faire engager dans l'entreprise? Alors, est-ce que ça arrive dans certaines JE? Oui, je pense que ça arrive. Justement, c'est ça un petit peu l'idée aussi, c'est que quand un étudiant fait un bon travail, l'entreprise, elle le remarque, elle fait « Ah tiens, lui, il a fait un bon travail », et après, elle peut demander, ou le chercher par elle-même, qui est cet étudiant qui a fait, et après, éventuellement, lui proposer peut-être une alternance ou un stage, ou voir le recruter. Donc, c'est ça, ça permet aussi aux étudiants de développer leur réseau, quoi. C'est ça qui est. Je crois que c'est Alten aussi, non, qui est un partenaire particulier avec la CNJ, du coup. Alten, qui est une entreprise de... C'est pas une junior entreprise, Alten, c'est une entreprise de... C'est une entreprise qui a l'air de bien réussir et qui propose des places de stage uniquement pour les étudiants en junior entreprise. Voilà. Et pour vous dire comment ils réussissent bien, Alten, ils sont dans le CAC 40, donc ils sont... Voilà. Ils pèsent. Oui, ils pèsent, exactement. Ils sont... Alten, c'est peut-être EY. Non, c'est Alten. Ok. C'est Alten. Ok. Donc un premier pas dans le monde du travail grâce au JE. Est-ce que vous pensez que toute formation ou toute infrastructure d'études supérieures pourra avoir leur propre JE? Est-ce que ce serait possible sur Paris Sud qui est dans la science? Votre avis, hein. Ah, les règles pour avoir une junior dans son établissement sont la possibilité d'un diplôme Bac plus 3, que ce ne soit pas dans des professions libérales, et normalement n'importe qui peut avoir du coup une junior dans son établissement. Effectivement, à Paris Sud serait possible, logiquement. Mais enfin, d'une manière administrative, mais est-ce que vous pensez qu'il y a il y a des juniors spécialisés, je crois que c'est à EDEC, qui sont spécialement pour le marché du fitness. Il y a une école PsyInsight qui du coup juste dans les juniors de psychologie. C'est des domaines genre assez différents de typiquement les juniors d'école de commerce ou d'école d'ingénieurs. Il y a aussi l'école du Louvre qui est une junior spécialisée dans les prestations pour les musées et la restauration, etc. Du coup, c'est vraiment très varié. Ils encouragent ça en ce moment, le mouvement. D'accord. Oui, si on peut trouver un travail après ses études, c'est qu'on peut faire une GIE, c'est logiquement, c'est un peu le principe. Espérons. Bon, je t'avais promis une musique pendant la pause musicale, PE qui risquerait de te plaire. C'est Who's Stopping Me. Et qu'est-ce qui vient d'arriver dans le studio avec une veste en cuir? Et une moustache. Elle n'est pas en cuir en fait. Ah, c'est du simili-cuir. Ouais, ça. Waouh. Parce que sinon, c'est des vaches, pas bien. Mais oui. Mais oui, c'est vrai. Mais on a que des présentateurs non, en fait, non, qui sont végétariens non, en fait, ici. En fait, la vraie raison, c'est que je suis pauvre, mais je fais croire que c'est parce que je suis activiste, en fait. D'accord, très bien. Et ben merci, Renan, d'être arrivé par hélicoptère, n'est-ce pas? Bah, directement par hélicoptère, avec Matt Plaz, qui est là dans le studio aussi. Hein, qui, en fait, en gros, il m'a amené parce que, bah, en tant que polytechnicien, il a des tuyaux, tu vois. Donc, il m'a directement chopé, tu vois, avec des réseaux d'armée de l'air, tout ça. Mais on se retrouve juste après cette merveilleuse pause musicale. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é a cantiga de bem querer. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é a cantiga de bem querer. Big dog autobiography. Made moves with the bros, no choreography. She told me I'm the one, I looked over, said obviously. Then looked up in the mirror like, who the fuck stopping me, huh? Who stopping me, nigga? Shit, who stopping me? At the top, my girl the only one on top of me, nigga. Who stopping me, huh? Who stopping me? Keep it going, don't stop for me. All charged up, I could glow in the dark. Sent a text to your girl, I think we growing apart. Sleeping with one eye open like I'm throwing a dart. Leaving the crib 100 deep like we going to March. Okay, I pin her on the wall like she go with the art. Trying to keep up with me, ooh, I know that shit hard. And I'm going too far. Niggas ask me who I'm going with, I told them my heart. The best beat thus far, my dog. Early telling jokes, man, I'm laughing at that. I had a dream, I rode with Rosa Parks in back of the back. And we was blowing the blunt and she was packing the strap. Like, damn, it do feel good to be black in the back. Going so far back, it felt like I was back in the act. You're up, trying to bring it back home like up back. You're up, I love pussy so good, it tastes like syrup. Mixed with Ciroc and coconut. A slick bitch to make it tie your laces. I'm never getting sick, sipping ginger echinacea. Divorce being broke, yeah, I need that separation. And make that paperwork for me and my administration. Big dog autobiography. Made moves with the bros, no choreography. She told me I'm the one, I looked over, said obviously. Then looked up in the mirror like, who the fuck stopping me, huh? Who stopping me, nigga? Shit, who stopping me? At the top, my girl, the only one on top of me, nigga. Who stopping me, huh? Who stopping me? Keep it going, don't stop for me. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. Yeah. A little metro, don't trust any shot. Bye, bye. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. Yeah. Shit, you know I ain't gonna stop. Nah. You said take your clothes off. Yeah, take that shit off. Do that dance I like. Look, baby, I want the full thing, not the teaser. Fuck a teaser, I'm the full feature. This African-American Express mixed with this Visa could get me in and out of anywhere I need to, yeah. And no more disrespecting me. We grew up poor, I changed my whole family trajectory. You couldn't see these type of checks if you was Einstein on Jeopardy. Self-made to make that hell of a recipe. And if you not down with me, you offending me. I'm so righteous, I'm praying for my enemies. Cause they gon' need that shit for whatever they go and get on me. Turn their ass to history, then get back making history. See, I'm the type to get a check and invest it. Buy some land and protect it. Live off the interest and give my family the rest. And then start from square one on some first cigarette shit in a whole new direction. And I pray that you got the courage to flourish on all your urges. Whether it's a new dream or refurbished. Understand, nothing's off limits if it's on this earth, bitch. So let's get to work, bitch. Big dog autobiography. Made moves with the bros, no choreography. She told me I'm the one, I looked over, said obviously. Then looked up in the mirror like, who the fuck stopping me, huh? Who stopping me, nigga? Shit, who stopping me? At the top, my girl the only one on top of me, nigga. Who stopping me, huh? Who stopping me? Keep it going, don't stop for me. Don't stop, don't stop. Don't stop, don't stop. Yeah. A little metro, don't trust any shot. Bye. Ça, c'est un message pour Renan, ok? Peu importe, même si t'arrives en retard, t'arriveras pas à m'arrêter, mon gars. Tu vas pas m'arrêter. Non, je rigole. Merci Renan d'être arrivé. De rien. Merci Renan. Merci Renan. Il y a eu des menaces, parce que Renan connaît Dimitri. Renan connaît Dimitri, il lui a dit, écoute, ça se fait pas d'arriver en retard comme ça. Ça va? Mets un peu de glace sur ton œil au beurre noir. Je t'aime, Dimitri. Après, on va se taper dans tu le couloir. Hein. Ta voix rocailleuse? Non. Ton air de petit chien battu, ton esprit un peu vagabond, ça j'aime bien, tu vois. Donc c'est cool que tu sois là. Ouais. Toi aussi, PE, tu me plais. C'est cool que tu sois venu. T'étais pas venu la dernière fois parce que tu me snobes un peu, tu vois, tu me fais attendre, tu m'excites. Mais finalement, t'es là. C'est vrai. Franchement, ça fait plaisir. C'est cool. Donc, on parle du Yades. Du Yades. Yades. Yades. Écoute, Renan, t'arrives, là, t'essayes de faire ta loi. Le Yades, c'est juste après. Parce que Dimitri voulait ajouter quelque chose sur le nouveau partenariat de la GIE, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, c'est le Yades. En gros, c'est... Merde. Non, mais en gros, oui, c'est ça. En fait, on a établi un partenariat entre donc, notre junior et une ONG togolaise qui s'appelle IADES, qui, en fait, fait des microfinancements à des Togolais. Et du coup, nous, ce qu'on fait pour eux, on lève des fonds qu'on leur donne. Voilà. Et enfin, l'idée, c'est que ça profite aux plus pauvres au Togo afin qu'ils puissent... monter leur business ou enfin monter des projets. Du coup, on va faire passer un chapeau dans la radio pour récupérer votre argent. Voilà. Cool. Voilà, pour payer l'interview en soi. Exactement. Merci d'être là encore. C'est combien déjà? C'est 100 euros minimum. D'accord. Et plus sinon... d'affinité. Ou un chèque resto. Voilà, c'est ça. Ou un chèque resto. Mais attendez, excuse-moi, c'est pas un peu galère votre truc de financer une banque, enfin une compagnie plutôt togolaise, parce que genre par rapport avec les monnaies, enfin vous devez faire du change, etc. C'est pas super chiant? Non, nous on envoie juste les euros et eux ils se débrouillent derrière. D'accord, avec les Français. On envoie juste les euros. Dimitri 2018. Voilà, c'est ça. Et D'accord, donc c'est vraiment très facile. Enfin, c'est pas très facile, faut quand même avoir de l'argent. Et en parlant d'avoir de l'argent, du coup, il y a un événement qui va arriver. On co-organise un événement avec le grosse BDE. De, voilà, en gros, ça, c'est grosse reçoit. Du BDE, enfin avec le BDE de notre faculté, et donc ceux qui veulent participer peuvent, et voilà. Ce sera début mars, un truc comme ça. Voilà. Et l'idée, le thème, ouais, pardon. Et le thème, ce sera, enfin voilà, de soutenir IADES. Donc il y aura possibilité de donner un petit peu à la soirée voilà. Pour ceux qui veulent. Mais comment vous êtes entré en contact avec IADES, genre, je comprends même pas, genre, ça fait un peu bugger, genre, comment vous avez trouvé une entreprise. Parce que moi, je pense au monde, je pense à comment je peux rendre le monde meilleur, tu vois. Ok. Je suis pas Ronan, je suis pas le mec qui se lève et qui se dit, je vais faire du droit. Il fait ça de manière ponctuelle, et il est à l'heure. Ah, ok. Tu vois, c'est... Non, mais comment tu l'as trouvé? C'est très simple. Oui. C'est un ami à moi, d'ailleurs un ami commun à nous. Non, tu connais aussi, c'est Félix Tuillier. Il a une asso à EDEC. Et son asso à EDEC a un partenariat avec IADES. Okay. Du coup, je lui ai demandé un peu ce qu'il faisait pour eux. Ouais. Et j'ai trouvé ça intéressant. Du coup, j'ai contacté IADES directement après. Et c'est intéressant parce qu'il y a la junior de Polytechnique a également un partenariat avec IADES. Et donc, voilà. Non, ça fait quand même toujours, c'est toujours pratique, la France-Afrique, pour faire du business quand même en France. Je sais pas pourquoi tu me regardes, mais oui. Non, parce que j'aurais fait Dimitri depuis tout à l'heure, en fait. Ok. Parce que je te vois moins bien, en fait. Et c'est franchement pratique. Hein. Franchement, qu'est-ce qu'on ferait sans la France-Afrique, hein? Toujours pratique pour foutre des fonds quand on sait pas où les foutre. T'insinues quoi, là? Les petites valises, là. T'insinues quoi, là? TLTC. Renan, t'es vraiment de bonne humeur ce soir. Là, parce que t'es là. Ah, mais j'avais peur que, tu vois, déjà, la semaine dernière, il n'y avait pas émission à cause de la neige. À cause de la neige. J'étais très peiné. Alors moi j'ai une question à poser. Alors au vice-président des étudiants. Allez, c'est parti. Voilà. Pourquoi on n'a pas pu faire des missions la semaine dernière? Parce que le bâtiment était fermé. D'accord. Mais qui a fermé le bâtiment? Qui a osé? Le campus a été fermé d'une manière générale à cause de la neige pour éviter qu'il y ait des personnes un peu débiles ne sachant pas conduire, qu'il y ait des accidents sur le trajet aller ou retour, et ce trajet est de la responsabilité de la présidence. Donc, elle a préféré prendre des précautions et fermer le campus. Et question sincère. Sincère. Réponse sincère. Est-ce que la prochaine fois, on pourra... C'est vrai, en plus, il y aura une émission bientôt comme ça. Je vous en parlerai plus tard. Est-ce qu'on peut pas négocier avec la présidente? On va la voir, on fait toujours bonjour, on s'habille bien et tout, on met des vestes en simili-cuir. Et on fait, est-ce que nous, on a le droit de faire une émission? Comme ça, les gens pourront rester chez eux au chaud, sans utiliser leur voiture. Comme ça, et on les aide à rester chez eux, mais nous on a le droit de venir, mais en ski. On en parle la prochaine fois qu'il y a de la neige. Ok. Pas de problème. Super. Bon, bah, moi je suis content, ça, super. Bon, fini de la discussion. Non ? Non, tu voulais rajouter quelque chose sur la GIE ? Ah bah non, je pense que tout a été dit. Tout a été dit. Non, c'est bon, tout a été dit. Merci, bonne soirée. Oui, tu as loupé les 20 premières minutes. Ouais, je l'ai réécouté en podcast. J'invite tous les auditeurs à écouter en podcast. Sur le site. Où on partagera le lien sur la page Facebook. Les podcasts des prénoms, on les a enregistrés au fur et à mesure, mais on va bientôt les mettre en ligne. Et on va les mettre tous d'un seul coup. Il y en aura 5 ou 6. Voilà, faites tourner. Voilà, je vous remercie Dimitri et PE qui resteront avec nous le long de l'émission. Et merci pour votre intervention sur la JE. Merci à vous. Merci à vous, ouais. J'aimerais faire une petite aparté parce que vous avez parlé de soirée BDE. Il y a la soirée BDE de Labo qui n'est pas un BDE, mais on dirait un petit peu. Et qui fait une soirée, il y a encore des préventes. Vous pouvez contacter l'association Labo sur la Maps ou un peu près partout pour pouvoir acheter votre place pour le Snowball, qui est une merveilleuse soirée qui aura lieu vendredi prochain. Vendredi prochain. Et où ça ? À Paris. À Paris, voilà. Contactez-les, à la Villette. Contactez-les, ça va être super. On fait une petite pause musicale. Renan, tu as quelque chose à me conseiller ou sinon j'ai une petite idée qui va être assez space. Bah vas-y, hein. Je te fais confiance Mathias. Alors c'est, je vous rappelle qu'on est le 16 février. C'est et il se trouve que il se trouve que c'est le premier jour de cycle de lune, ou je sais plus trop quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est le nouvel an chinois. Et il y a une merveilleuse playlist des musiques officielles du Nouvel An chinois qu'ils mettent. Et là, je vais vous mettre Shanghai Gangster. Ok, go. Bonsoir à tous, on se retrouve sur Radio Campus Orsay pour les prénoms, l'émission du vendredi soir. Bon, maintenant vous y êtes un petit peu habitués ou peut-être pas. On est à tous autour de la table avec Dimitri qui me regarde avec véhémence. Mathias, Kevin et une petite nouvelle. Tu peux te présenter ? Non, ah si. Bonsoir, moi c'est Léa. Tu fais que des gaffes ce soir, Mathias. Je fais que des gaffes, je suis désolé. C'est bon ? Ouais. Je peux parler ? Ah oui, c'est bon, autorisé. Bonsoir, moi c'est Léa, étudiante à Orsay aussi. En quoi ? En bio, deuxième année, L2. Voilà. Voilà, voilà, bon, cool. Elle est avec moi ? Elle est avec toi, et c'est qui toi ? Tiffaine. Tiffaine comment ? Tiffaine. Tiffaine de l'association Labo. Ouais. Voilà. Et qui est le merveilleux BDE Non. Non, ce n'est pas BDE. BDE, c'est Strat, c'est le bureau des échecs. Oh, pas mal ça. D'accord. Je savais pas. En plus, il partage le local avec le DOPS. Bon, moi, je vous ai mis. Non, mais. Devant tant de mépris, seul le silence s'impose. Donc. Moi, je vous ai mis une vieille musique chinoise. Enfin, une vieille musique. Elle est pas mal, mais bon, moi, je trouve pas. Je l'ai trouvée amusante, en fait. Je pense que c'est le bon mot. C'est un peu original quand même. C'est, voilà, c'était ça, original. Parce que c'est le nouvel an chinois. Alors j'ai essayé d'apprendre quelques infos sur le nouvel an chinois sur internet. Voilà, c'est pas très ça compliqué. Vient alors ça vient d'où ? Bah, c'est un passage de l'année comme un autre. C'est pour oublier ce qui s'est passé et puis repartir du meilleur pied pour la nouvelle année. C'est pour toi, Arnaud. C'est pour toi. Commence par enlever ta veste. Non. Arrêtez de le clasher là. Arrête, il est tout tremblant. Laissez-le tranquille. Il a qu'à pas faire le malin aussi. C'est tellement gênant. Bon, tu peux commencer à ton texte. Oui, je commence à lire mon texte. Alors, le nouvel an chinois, nouvelle année, c'est Nian, qui vient de Nian Shu, qui désigne un monstre. Et Nian Cat, du coup, c'est quoi ? Non, je sais pas. J'ai pas eu le temps de vérifier, là, tu me prends de court. Donc, Nian Shu, qui est un monstre qui, une seule fois par an, faisait le tour de tous les visages, de tous les villages, et c'est lui donc qui représentait la nouvelle année. Qu'est-ce qu'il y a pour le nouvel an chinois est un événement assez impressionnant. Déjà en Occident, on aime bien notre nouvel an à nous. Mais je pense qu'en Chine, et il y a aussi d'autres pays qui sont basés sur ce calendrier. Donc il y a Taïwan, il y a aussi les Philippines. Mais ils ont des variations de ce nouvel an. Alors ça commence par un réveillon où on mange plein de plats. Allez. Différents avec des noms bizarres. Il y a une tradition aussi pour la préparation avant. Et Dimitri, il aimerait bien manger tous ses plats chinois. Oh ouais, bon, franchement, ouais. J'ai pas mangé de la journée. Oh, c'est pour ça que tu veux dire. Tu veux trop entrepreneur. Non, mais ouais, trop entrepreneur, du coup, j'aime pas manger. Qu'est-ce que tu veux ? Mais j'ai pas d'argent. Parce que je suis entrepreneur. L'innovation est pas tant. Ouais, c'est la fusée de la France, là, on parle de la fusée de la France. Non, bon, on t'appelle comment ? On te surnomme l'éclair, l'éclair vert ? L'éclair jaune, pourquoi vert ? L'éclair jaune, ouais. Donc l'éclair jaune, rien à voir avec la Chine ? Peut-être. Continue c'est de lire le texte. Peut-être qu'on trouvera des liens. Alors, je lis pas le texte. Hein. C'est... Alors, après, il y a la nuit. Donc, pour fêter le nouvel an chinois, on doit rester éveillé toute la nuit. Et c'est pour ces signes de longévité. C'est censé nous faire vivre plus longtemps de rester éveillé toute la nuit du nouvel an chinois. Donc, moi, voilà. Je suis d'accord. Hein. Tout dépend. Tout dépend de quoi ? De la journée d'après. Est-ce que tu considères être éveillé la journée d'après ? Bah oui. Non, t'as le droit de dormir. Ouais. Faut juste rester. Signe de longévité, ouais. Wouhou. Et il y a aussi des cadeaux, des étrennes pour le nouvel an. Et ça s'appelle des rumpao. Et c'est dans des enveloppes rouges qu'on les transmet. Donc on donne ça à ses neveux, nièces, ses enfants, ou ses petits-enfants. Et donc avec un peu d'argent dans des rumpao. Il y a aussi les pétards. Les pétards, c'est super important dans le nouvel an chinois. Ça existe depuis très longtemps. Ça a été inventé. Enfin, la poudre a été inventée avant l'utilisation des pétards comme divertissement. Et ça a été utilisé comme pétard sous le troisième royaume. Donc c'est le troisième siècle. Après Jésus-Christ. Et les pétards, ça s'appelle des biampao. Et c'est les adultes qui font péter les pétards, c'est pas un jeu d'enfant. Et les enfants se bouchent les oreilles, ils ont peur ou ils essayent de se rapprocher s'ils sont plus téméraires. Cette année, c'est l'année du chien. Parce que les signes astrologiques. C'est l'année de Renan en fait. Ouais, c'est l'année de Go. C'est ton année ? Non. Bah non, faudrait ouais, que tu aies, chien. Faudrait que tu aies 24 ans puisqu'il y a 12 signes chinois et que c'est un cycle de 12 signes. Alors les signes astrologiques chinois, c'est en année, c'est pas. Bon, c'est pas vraiment des mois, nous, c'est plus ça superpose un peu avec les mois, mais c'est en décalage. C'est ça. Donc, l'année du chien. Le chien, ça représente la fidélité. C'est assez pessimiste. Mais ça aime le mystère. Et ils aiment beaucoup être aimés. Les chiens. Donc, voilà, c'est l'année du chien. Tu sais d'où ça vient, la légende des signes astrologiques chinois ? Non, pas du tout. Peut-être qu'on n'a pas le temps de l'expliquer. Mais... Ah non, je t'en prie, vas-y, explique-moi. Bon, alors, ça vient d'une légende. En fait, le dieu des Chinois, qui est en fait une sorte de dieu du ciel, a réuni tous les animaux et leur a fait, on va faire une course. Mm-hmm. Et en fait, en gros, c'était une course avec c'était un parcours avec terre, mer, etc. Donc c'était pas facile de la faire. Et en fait, en gros, il y avait tous les signes chinois. Il y avait le dragon, le chien, le canard, le cheval. Il n'y a pas le canard, il y a le cheval. Il n'y a pas le canard. Non, il n'y a pas le canard. Il y a le tigre. Il y a le tigre. Il y a le cochon. Le buffle. Le serpent. Le rat. Ah, c'est le bœuf. Le bœuf, c'est pas le buffle, c'est le bœuf. C'est le bœuf. Il n'y a pas de buffle en Asie, c'est vrai. Voilà. Et donc, en gros, ils font la course. Et en fait, l'ordre des signes chinois, simplement l'ordre d'arrivée, en fait. C'est-à-dire que le premier arrivé, c'est le dragon, ce qui va être très très vite. Mmh. Ce qui fait que c'est un des signes les plus. C'est le meilleur signe à avoir. Quand non, on est dragon. C'est le tigre. Mais c'est le meilleur ? Non, elle dit ça parce qu'elle est tigre. Non. Trop incrédule. Et donc voilà, en fait. Et le chien, bah, je sais pas, lui, il est arrivé, je sais pas comment. Il est arrivé après. Au milieu, je pense. Un peu avant le bœuf. Un peu après le rat. Et après, à la fin, il se fait bouffer, je pense. Bah, je pense que si t'avais une, tu sais, les petites moustaches fines chinoises des maîtres chinois, t'aurais pu nous raconter avec. Alors, c'est là que le rat a dépassé quand il y avait un. Je vais appeler Alde. Je vais appeler Alde si tu continues ça parce que là. D'accord, j'arrête. Mais toi, ouais. T'as fait une blague sur les juifs il y a 2 semaines, donc j'ai le droit. Ouais, mais non, parce que les juifs, on s'en fout, tu vois. Que ah oui. C'est les vrai. Chinois, c'est une minorité acceptée en France, respectée, tu vois. D'accord. Ok. Bon, bah, merveilleuse anecdote sur les signes chinois. Et sur les juifs. Non, mais ça va permettre de savoir, tu vois, pourquoi. Parce que les gens peuvent se demander pourquoi ces animaux-là, tu vois. Et pourquoi ces animaux différents des signes. Oui, mais c'est vrai que le dragon est super important. C'est parce que, pour les mathématiciens, là, il y a la congruence fait que, vu que c'est un cycle de 12, ça n'arrivera pas tous les 1000 ans. Mais alors, tous les 1000 ans, ils redécalent pour que les années pile, donc c'est-à-dire en 2000, c'était le signe du dragon. Parce que il y a 3 zéros, donc c'est plus important, comme en l'an 1000. Voilà. Donc en l'an 2000, c'était les dragons. En l'an 2000, c'était les dragons, oui. C'est le signe du dragon. C'est quoi la congruence ? La congruence, c'est le reste par la division euclidienne. Si on prend 14 et qu'on veut le diviser par 3, et ça fera 3 fois 4 plus 2, donc ça veut dire que 14 sera congru à 2 modulo 3. Tu voilà. Confirmes ma place ? Ouais, c'est bon, il confirme. On peut continuer. Ouais. On peut continuer. Solide. On va continuer sur une petite pause musicale. Ouais, ça, c'est bof continuer. Hein. Mais j'aimerais vous faire écouter cette musique que j'aime bien. Ça s'appelle Diamond Veins. Eh ben, on y va. Blood filled jewel of life. se retrouve sur Radio Campus Orsay. Le studio est plein. Il y a le... Ah, faites du bruit un peu sur le canapé là, parce que vous faites du bruit quand vous voulez pas. Ah, là, vous voulez pas faire de bruit, mais sinon ça rigole. Classique. Classique. Dimitri toujours là. Toujours. Un petit peu de respiration. Il sert un peu la vie, ce Dimitri. Ouais. On était avec Diamond Veins de French 79. Je sais pas si vous avez bien aimé, moi j'adore cette musique. Moi j'ai aimé. Elle est vraiment excellente, cette musique. Moi je la mets le matin et je marche pour aller à l'université comme ça. Ça fait j'ai l'impression de voler. Elle est faisante as fuck. Tu voulais nous parler de quelque chose, Renan, il me semble. Tu nous as parlé de Nouvel An chinois. On va rester dans la même aire géographique. Et en même temps, on va un peu voyager. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y a les JO d'hiver en Corée. Donc on traverse la frontière, en Corée du Sud. Quoi, sérieux, il y a les JO? Ouais, fais pas le malin. Et... Donc on parlait voilà, de froid, tout ça, donc on va s'emmitoufler un petit peu dans nos combis et je voudrais vous raconter voilà, trois histoires plutôt marrantes sur les JO d'hiver, des choses qui sont passées et qui peuvent nous faire sourire et nous faire un peu réfléchir. Le premier truc que je voudrais vous raconter, c'est que, ça c'est une histoire très courte, en fait c'est en 1976 à Innsbruck, en Autriche, c'est la première fois qu'il y a eu un sport de patinoire. Terry Kubica a pour la première fois opéré un saut périlleux arrière, ce qui était très impressionnant à l'époque, mais c'est la dernière fois qu'il l'a fait, parce qu'il l'a fait une seule fois et ça a été interdit immédiatement par le comité olympique. Je trouvais ça assez drôle qu'on interdise des figures aux Jeux olympiques, parce que c'est trop dangereux apparemment. Pas que les sportifs se blessent. Donc on ne peut plus faire de saut périlleux arrière. Alors je me demande si quelqu'un le refait, est-ce que ça ne sert à rien, c'est même pas comptabilisé, ou est-ce qu'il est directement arrêté ou je pense qu'il est... Il est disqualifié directement. C'est quand même assez vénère, quoi. Oui, bah, après, c'est interdit. Il y a des règles à suivre, tu vois. Genre, c'est pas au pire, ça. Le mec se casse la gueule et puis c'est pas grave, c'est tant pis pour lui. Mais enfin, peu importe qu'il se casse la gueule ou pas, je pense qu'il est éliminé, tu vois. Ah, mais genre, pourquoi est-ce qu'on interdit là, les Jeux Olympiques, t'as quand même une image. Enfin, tu vois, il y a un cadre. Regarde là, les skieurs français qui voulaient porter un petit autocollant pour honorer un des skieurs qui s'était tué dans un entraînement en novembre. Ils ont refusé, enfin le CIO a refusé qu'ils aient juste un petit autocollant sur leur casque avec marqué les initiales du skieur. Donc il y a vraiment un cadre, et donc j'imagine que pour un autocollant ils le refusent, sinon ils les auraient disqualifiés. Je pense qu'une figure non réglementaire, enfin interdite, il y a peut-être même un petit rappel après ou voilà. Ok. Donc, je tenterai pas en tout cas. Un petit peu comme l'université, il y a une image à garder, on peut pas ouvrir la map parce qu'il y a de la neige. Sinon il y a quoi après? C'est ça. Alors je voudrais qu'on parle de Michael Edwards. Vous connaissez peut-être pas, mais il est quand même assez... Apparemment, moi je suis pas très bon en sport d'hiver, je déteste ça, mais Michael Edwards est très connu dans le... C'est un peu une sorte de blague, c'est un peu une sorte de running joke dans le milieu du sport d'hiver, parce qu'en fait, c'est un mec... Voilà, c'est une belle histoire, parce que ça nous montre, voilà, là où ça nous mène, la conviction, le courage, la volonté. En fait, Michael Edwards, c'est un mec qui faisait du ski alpin au départ. Mais, il a perdu de peu la qualification pour les Jeux Olympiques de Sarajevo en 1984. Et donc le mec il se dit bah vas-y go hein, moi j'ai envie d'aller au JO, qu'est-ce que je fais? Bah il était britannique le mec, et en fait il décide de se lancer dans le saut à ski, parce qu'en fait il n'y avait aucun compétiteur de saut à ski en Grande-Bretagne. Bon, faut dire que la Grande-Bretagne, quand on regarde un peu, il n'y a pas beaucoup de grandes montagnes, donc je pense que de toute façon il ne doit pas avoir beaucoup de sportifs d'hiver. Bah, ils viennent dans les Alpes les Anglais. Ouais. Ouais de toute façon, mais bon je sais pas, après j'ai fait des hypothèses, mais ok, ils viennent dans les Alpes, ok, cool. Mais donc apparemment il n'y avait aucun compétiteur à cette époque là en saut à ski, donc il était tout seul le mec. Ce qui fait qu'en fait, il a participé aux qualifications pour les Jeux Olympiques de 88 à Calgary. Et en fait, il a beau être arrivé au dernier au champion du monde de saut à ski. Parce qu'en fait, il faut savoir que le mec est nul, parce qu'il n'est pas aidé, parce qu'en fait, apparemment, il a une morphologie très lourde. Et en fait, il était trop lourd même pour le saut à ski, ce qui faisait qu'il n'était pas adapté, quoi. Donc le mec, même s'il pouvait faire tous les efforts du monde, c'était plutôt compliqué pour lui, puisqu'il s'entraînait, etc. C'était un boulet de canon sur un tremplin, quoi. C'est ça. Il aurait dû faire du cirque. Et en fait, le mec est quand même pris, parce que c'est le seul britannique, il faut bien remplir les Jeux Olympiques. Et donc, il arrive à Calgary. Bon, là, aucun miracle. Le mec arrive dernier, totalement dernier. Et en fait, c'est drôle parce qu'on se souviendra de lui, parce qu'à la fin, des Jeux Olympiques, le président du comité olympique va faire une référence à Michael Edwards en disant « Certains sont venus pour gagner des médailles, certains sont venus pour retirer de la gloire, et puis d'autres sont venus pour sauter comme des aigles. » Et là, il parle évidemment de Michael. Et c'est pour ça qu'à partir pour se moquer de lui, parce que ses performances n'étaient vraiment pas terribles. Et donc maintenant, on se souvient de lui comme Michael the Eagle. Donc c'est une sorte de blague en Grande-Bretagne pour se moquer de lui. C'est vraiment super méchant. Ouais. Voilà. Et donc on se souvient de lui comme étant un peu voilà notre pote un peu autiste. On essaie de l'aider, mais mais il nous fait bien sourire. Mais voilà, genre on lui dit bon vas-y fais autre chose. Mais elle est super triste son anecdote. Bon, et on finit sur une bonne anecdote. Vas-y. sur comme quoi là c'est l'inverse, c'est comme quoi même dans la vie on peut genre rien essayer de faire pour réussir et pourtant on va réussir quand même. Donc c'est l'histoire de Stephen Bradbury. Alors lui il fait du short track. Alors je ne savais pas ce que c'était que le short track jusqu'à préparer cette chronique. Qu'est-ce qu'est le short track? Ça a l'air assez drôle. C'est la course patinoire sur courte longueur. Donc en fait en gros c'est une piste sur piste courte, pas piste, parcours de longueur. Pardon, oui, on se rend bien compte de mes lacunes en culture sportive. Donc en gros ça se distingue du long track avec piste de grande. Alors j'imagine, j'ai pas eu le temps de regarder trop des vidéos de comment ça se passe. J'imagine que c'est une piste plutôt courte, un peu ronde, parce qu'apparemment il y a des virages un peu serrés. Et en fait en gros on tourne et le but c'est de faire à peu près 3 tours et d'arriver le premier sur la ligne d'arrivée. Voilà, et donc on est en patinoire. Alors, voilà, c'est un sport où apparemment il peut y avoir quand même pas mal de changements au cours de la course, parce qu'on peut se dire que quand on patine, on peut vite se casser la gueule. Mais vraiment, Stephen Bradbury, il a eu beaucoup de chance, parce que, en gros, c'est le premier médaillé d'or en Australie pour les JO d'hiver. Alors, traverser la ligne d'arrivée sur le cul. Non, mais c'est le tout premier. Non, c'est pas ça. En gros, c'est le tout premier mec à avoir une médaille d'or en Australie, et c'est même le tout premier mec de l'hémisphère sud à avoir une médaille d'or pour les JO d'hiver en 88. Non, pardon, 72. Et donc Stephen Bradbury, il vient en quart de finale, et déjà en fait, déjà il perd. Il y a deux mecs devant lui et il gagne. Mais en fait, le mec devant lui il se disqualifie. Alors c'est pas, j'ai pas trop cherché pourquoi, mais il se qualifie comme ça, peut-être de la drogue ou un truc comme ça. Et donc il passe en demi-finale, il y arrive parce qu'il y a des chutes et tout, il arrive à passer. Et après, il arrive en finale, et là, donc là il est sur la piste, et donc il y a un groupe, enfin il se fait distancer, quoi, il est dernier, il y a un groupe devant lui, et là en fait il a une idée, il se dit bon bah je vais mettre en arrière et peut-être que pour éviter que s'il y a une chute tout le monde tombe. Mmh. Et là au dernier virage, avant le dernier troisième tour, t'as tout le groupe devant qui se casse la gueule tous ensemble, et là le mec passe devant, et genre apparemment il a une expression incrédule, et il passe la ligne d'arrivée comme ça sans avoir vraiment rien fait, en particulier juste tout le monde s'est cassé la gueule en fait, genre en gros il est passé de toutes les... tous les rangs du championnat, juste grâce à des gens qui sont tombés en fait, et donc il a gagné la médaille d'or comme ça. Il a un peu profité en fait. Quel boss. Bah il s'est quand même pas cassé la gueule. Il a quand même eu cette qualité de plus que tous les autres de ne jamais se casser la gueule, donc c'est aussi une qualité tu vois. Il sait se tenir sur des patins. Ouais, ça se trouve il a fait le mec, il a fait le malin genre oh je suis surpris, mais il avait dévissé les patins des gens tu vois, il avait dévissé le truc dessous. Hein. Je pense. D'accord, tout de suite la malveillance. Ah ouais. Non je suis convaincu même. Je vérifierai, mais c'est un peu, ouais, j'avoue, c'est un peu chelou que tout le monde tombe, genre, tu vois. D'un coup, tout le monde tombe, c'est bizarre, tu vois. Enfin, ça reste une patinoire, quoi, genre, ça glisse. Il y avait une histoire de drogue juste avant, ce serait possible. Hein, ce serait pas ouais, mais les mecs, ils sont censés être chauds, genre, ils sont en JO. Enfin, à part Mike the Eagle, mais bon. Après, il y avait notre histoire. Après, il y avait l'histoire, mais elle était très connue, donc j'ai pas voulu la faire en détail, mais il y avait l'histoire du skieur qui était en fait, qui s'était déguisé en femme, et c'était l'une des premières fois qu'il y avait. Un truc que j'ai jamais compris trop d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on faisait pas jouer ensemble les hommes et les femmes au JO. Mais je me demande si ça évoluera dans le futur. Mais voilà, moi j'ai pas voulu raconter cette histoire. Puis ça l'histoire de Michael Edwards m'a aussi rappelé l'histoire du premier cosmonaute, du premier astronaute espagnol. C'est une histoire très drôle. Mais que tu nous raconteras une autre fois. Ouais, parce que c'est pas trop les JO quoi. Mais j'aimerais faire un petit point quand même que la Corée du Nord et la Corée du Sud ont fait une seule équipe pour pouvoir partager, participer à ces JO. Partager le cash ? Pardon. Non, ce qui est, ce que je trouve vraiment bien, et c'est peut-être le début d'une réunion. Grâce au sport. Grâce au sport. Ouais, vive le sport. Vive le sport. On se retrouve sur Radio Sport, tout le sport. Bonjour Kevin. C'est quoi la musique que tu veux mettre pour faire la pause? Alors, c'est un titre issu du nouvel album de MGMT qui est sorti il y a quelques semaines. C'est She Works Out Too Much. She Works Out Too Much. Voilà, petite référence par rapport au sport. Ah oui. On aime ça. Et on se retrouve après cette pause musicale. C'est pensé. We'll be right back. Saxophone, phonographe, grave de fou, foule de gens, molécules, autonome, déambule, bulle de 16. Mini-jupe, hypercute, super cul, cul de sac, sac à puce, puce chemin, main au cul, cul de jatte, claque de pute, plutôt petit, titillé, yéman, titillé, je fan, sautillé. Tu... Ok, alors j'ai un jeu à vous proposer aujourd'hui. Je sais pas si vous connaissez la chanson chat, chat, chapeau de paille, machin. Donc ce serait de trouver un mot qui commence par la même syllabe avec lequel le mot d'avant finissait. Du genre, si je dis château, t'as le droit de dire torréfication. Taureau. Ça taureau. Marche. Taureau, c'est plus court, c'est plus simple. Bon, Florian a compris, c'est lui qui va commencer. Merde. Ah, dermatologue. Mais faut... Ah non, mais faut que ce soit genre phonétique. Oui, bah, merde, dermatologue. Ah non mais merde, c'est grave dur, faut que ce soit un truc plus simple. Donc c'est à toi du coup. Mais pour répéter ce qu'il y a avant. Dermatologuérite. Guérite. Une guérite. Ok. Donc c'est quoi c'est... Mais il faut tout dire, genre moi je vais dire merdématologuérite. Okay. Oh putain, ça va être chiant. Merdématologuérite. Rituel. Mère des matologues et rituels. Ok, c'est super gênant là. ouais, c'est gênant, compliqué. Mais. Bah, commence le mot. Bah, merde. Mère des matologues et rituels. Ouais. Mais après. Bah, Éléonore. Mère des matologues et rituels, Léonore, à toi. Mère des mère des matologues et rituels, Léonore. J. Ouais, je... Mère des matologues et rituels, Léonore. J. Tant. Mère des matologues. Matologues rituels. L'orgie. Léonore. Tant. Et Léonore Gitan. Endémique. Tandémique. Ah oui. Hein. Endémique. Ouais. Mais t'as déjà perdu. Ouais, je crois. Ouais, je crois depuis longtemps. Et je continue là. Vas-y, continue. Alors. Mère dermatologue guérituel et au nord J tant démique je ne sais pas démique ic j'en ai un moi. Microphone ic, ouais ah ouais j'avoue microphone excellent vas-y donc t'es éliminé. Ah, ok, merde. J'ai plus après merde. Merde des. Matologue. Merde des matologues rituels. Léonore. Gitan. Démique. Micro. Microphone. Phonographe. Non, mais c'est la musique. Aussi. C'est la musique. Mais la musique. Ah, et on devait arriver à la musique. C'était, parfait. C'était saxophone, microphone, phonographe. Bravo. Mais voilà. C'est con, on l'a fini. Dommage. Doesn't feel pain. retrouve sur Radio Campus Orsay. C'est violent. Abrupt Ouais, assez. J'avais un prof de musique qui supportait pas qu'on fasse ça. C'est-à-dire ? Couper la musique comme ça. Ah oui, et il faisait quoi ? Il a baissé lentement, progressivement, tu vois. Ah ouais, genre en mode psycho. C'est un peu comme avec les gens, tu sais, Mathias. Tu peux pas les turn on et les turn down comme ça, enfin. D'accord, maintenant on passe à la suite. Non, là, ça va être la chronique Invité Mystère. On vient de finir. La musique s'appelle Humans Are Easy Prey. Et c'est de Perturbator. C'est la musique que Renan conseille. Ah oui. À tous les gens calmes le soir pour se reposer. Au mariage, j'ai mis ça. Ouais. Tout le monde est parti. C'était génial, j'avais tout le champagne pour moi. D'accord, même ta fiancée. Non, mais elle est partie aussi. Elle est partie aussi. Oui, elle est partie aussi. D'accord. Tu la fréquentes encore. Et juste le champagne. Un peu, ou... Non, non. D'accord. Juste, je la salis maintenant, c'est tout. Régulièrement. D'accord, bah là c'est. Alice, Tiffen, je t'en prie, rentre. Là, il y a un câble qui bloque la porte. Il y a un câble qui bloque la porte. Eh ben, on va passer à la chronique de l'invité mystère qui est avec nous aujourd'hui. Son surnom, ce sera, on l'appellera Lulu. Lulu. C'est tendu quand même, Lulu. Hein. Écoute, je regrette Lulu, mes choix passés. Tu regrettes tes choix passés. Est-ce que tu regrettes tes choix musicaux? Tu veux qu'on écoute quoi comme musique? J'ai déjà cherché sur ta magnifique tablette. D'accord, bon, on la découvrira hein, juste après que tu t'es sois présenté un petit peu. Tu viens d'où? Alors, je viens de Rambouillet. Je suis né à Rambouillet. Et yes. Tu vis encore à Rambouillet? Je vis à Rambouillet. J'ai un appart à Orsay parce que je fais mes études ici. Que dire de plus? Tu fais quoi comme études? Je fais quoi comme études? Je suis en L de maths. J'apprécie ça, oui. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Je dirais que je veux faire prof de maths, mais c'est pas sûr. Donc là, on s'en va, on te laisse faire. Ouais, voilà. Tu poses des questions et tu réponds aussi, c'est pas mal. Question-réponse. Eh ben écoutez, voilà. Enfin, je sais pas. Bah, en fait, présenter, effectivement, dans quel... Mais genre, non, exactement, t'inquiète pas, il a fait ça pour taquiner. Mais oui, non, mais... On peut commencer tout de suite avec les questions philosophiques. Quelle est la question que tu aimerais le plus te poser? Putain, mec... Elle est deep, celle-là. Hein. Qu'est-ce que je vais faire de tout ouais, cet oseille? Ouais, non, ça s'est tordu, ça. Hein. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Bah... Ouais, effectivement. J'aimerais mettre mes mains dans mes poches, mais il y a trop de billets. C'est pas une question. Effectivement. Non, mais justement, c'est pour justifier ah oui, voilà. Le fait que tu te poses ça comme question. Effectivement. Oui, tu parlais que tu voulais être enseignant. C'est quoi qui te tente dans ce métier? Quel niveau? Pas l'oseille. Alors, c'est marrant parce que tu me poses la question pile au moment là où je suis en train de remettre en question toute cette philosophie. Ouais. Enfin, en fait, je suis en mode peut-être que je vais pas faire prof, en fait. Mais à la base, ce qui m'intéresse, c'est le contact avec les gens. Et le fait de se sentir utile, je sais pas si c'est se sentir utile, mais genre tu vois, quand t'arrives à expliquer quelque chose qu'a priori quelqu'un ne comprenait pas du tout, qui avait pas du tout le moyen de se représenter ou quoi, genre quand t'arrives et que t'arrives à lui expliquer, à trouver les bons mots et que finalement il comprend, genre je sais pas, je trouve ça juste trop gratifiant en fait comme sentiment. Du coup voilà, je pense que c'est ça. T'as l'air de remettre ça un peu en question, c'est depuis quand tu voulais faire prof? Alors, je voulais faire prof, je me suis dit ça en terminale. Mmh. Les profs de maths, c'est pour ça que t'es venu en maths ou en prof de maths? Alors prof en général, ouais. De maths parce que alors en fait APB un peu aléatoire, je me suis retrouvé. Bah alors je voulais faire une prépa parce qu'en fait on m'a dit fais faire une prépa et du coup je me suis dit bah pourquoi pas. Et du coup je vais tenter. T'étais où comme lycée? J'étais pas en lycée parisien, j'étais à Compiègne. C'est le feu Compiègne. Alors, c'est pas le feu Compiègne. C'est bien quand c'est l'Imaginarium Festival, mais sinon, c'est pas le feu. D'accord. Et j'étais pas prêt pour être à Compiègne, mec. Et je savais même pas où c'était Compiègne. C'est en Picardie. J'y avais jamais mis les pieds. C'était fou. Ouais. Non, ouais, c'était tendu. Donc, tu t'es fait des connaissances. Après, ouais, si en vrai, il y avait une bonne ambiance et tout, c'était lourd. Mais, ouais. Mais t'es parti. Ouais, je suis parti. Et tu t'es dit go, prof de maths? Alors, go, ouais, je me suis dit. En fait, c'est surtout, je me suis dit que j'aimais pas la physique, quoi. Du coup, en fait, tu fais prépa maths, mais physique, SI, si tu taffes pas, c'est mort, quoi. Enfin, c'est mort pour toi, en fait. Du coup, je me suis dit que j'allais aller en L de maths, et voilà. Et maintenant, j'en suis là. Et voilà, j'en suis là, effectivement. Et t'es un peu douillé, parce que si tu veux plus faire prof, t'es en maths. Tu vas faire quoi, après? Ah, alors, si je veux plus faire prof... Ah, si jamais prof, tant pis. Parce que si t'as pris maths au hasard parce que tu voulais faire prof, mais tu t'en foutais de ce que tu faisais, là, non, Ah non, j'ai pris maths parce qu'en général, ça me plaît... T'as plus la substance, mais t'as la matière, donc tu fais quoi avec la matière? Ah oui, non, si, en général, après les maths, ça me plaît. En fait, c'est les sciences, en général, ça me plaisait, et puis les maths, ça me plaisait plus que le reste, en fait. C'est plus pour ça que je l'ai pris. Après, c'est vrai que je suis pas en mode je veux faire des maths fondamentales de gros brut, etc. Tu vois, genre, je suis pas dans ce délire là, mais j'apprécie les maths, je trouve ça intéressant. Voilà. Moi, j'ai une question à te poser, mais juste après cette merveilleuse musique. Oui. Ah oui, et puis oui, du coup, pour rajouter, en fait, les maths aussi, c'est un peu le truc mystique, tu vois, que les gens ils se disent les maths, j'ai jamais compris, tu vois. Tu fais ça pour le style, quoi. Bah non. T'es pas obligé de justement, le faire. Justement, faut le mettre à la portée des gens parce que c'est vachement intéressant, en fait. Voilà. C'est les maths, c'est bien. Les maths, c'est bien. Run You, c'est toi qui as choisi cette musique. Go. It doesn't matter what they say, I won't accept it in any single way. And through the floors and through the cabling, they're permeating it through every single day. But I won't be confined by the regimented borders. We got the strength of over 50,000 soldiers. We're not duty bound to anybody's orders. Come on everybody now, don't let them run you. Petite musique, j'étais vraiment très reposé. Cette semaine un petit peu stressante. Non mais c'était le but d'être réveillé pour pouvoir commencer le week-end. On finit pas la semaine, on commence le week-end sur Radio Campus. Mais putain, mais c'est vrai. Mais c'est vrai quoi. Pourquoi cette musique, Lucien? Pour commencer le week-end. Effectivement, Lucien. Alors pourquoi? Je l'ai redécouverte récemment et je l'ai trouvé extrêmement stylé. parce qu'elle donnait la patate. Et puis que, je sais pas, je me suis en train de me découvrir un goût pour les musiques à moitié métal, à moitié techno, un peu, tu vois. Du coup, voilà, j'ai trouvé ça stylé. C'était stylé, ouais. J'ai une question à te poser par rapport à la discussion qu'on avait pendant la, la pause musicale. Donc, dans le cadre de ta formation, tu fais un stage de sensibilisation à l'enseignement. Ça consiste en quoi et tu fais quoi ? Alors, je suis censé exclusivement observer les professeurs dans un collège. Donc, pas forcément des, juste les maths, mais finalement, on finit que parler au cours de maths. Et puis voilà, donc à la base, on devait juste observer. Et puis finalement, bah, petit à petit, les profs sont juste super cool, quoi, nos tuteurs. Tu es dans quel collège ? Je suis au collège Mondétour, aux Ulysses, juste au-dessus, là. Et puis, franchement, les profs sont juste excellents, quoi. Genre, ils sont trop, ils s'investissent à fond. Et ils sont super sympas avec les stagiaires, du coup, moi et puis mon binôme, qui n'est plus là. Et Miskin, Amélie, si tu entends ça, et ben, on pense à toi, tu t'es cassé le bassin. Le bassin. Et ouais. Tu as mal. Mmh. Alors, du coup, oui, concernant le stage, bah ouais, en fait, c'est juste méga intéressant. J'ai eu l'occasion, bon, là, je vais devoir préparer un cours pour une classe de 4e. Ça va être vachement stylé, je pense. Je sais pas trop à quoi m'attendre en réalité, mais je pense que ça va être enrichissant, j'imagine. Puis de toute façon, vu que je veux faire prof, bah, autant se confronter direct au délire, quoi. Et quand tu disais que tu un peu remets en cause ton envie de devenir enseignant, est-ce que c'est par rapport à ce stage ou effectivement. Trop... Effectivement. Ils sont c'est pas une faciles, très bonne question. Un petit peu turbulent. Alors, c'est pas nécessairement ça. C'est plutôt le fait que j'ai réalisé qu'il fallait avoir la grègue, sinon c'était galère en fait. Enfin, alors, qu'est-ce que c'est le concours de l'agrégation ? Alors le concours de l'agrégation, donc, alors, déjà pour être prof, il faut passer le CAPES, donc c'est un concours que tu passes et qui donc, est plutôt de type pédagogie et puis toutes les matières en général, tu le passes pas dans ta matière. Quoi. Donc c'est pour donc, tous les profs ont besoin du CAPES pour pouvoir enseigner. Et il y a aussi l'agrégation qui est un concours qui en fait te valide un niveau dans ta matière, donc celle que tu enseignes. Et qui est vraiment compliqué, quoi. Genre, c'est vraiment, vraiment dur, quoi. Il faut avoir un bon niveau pour pouvoir gérer l'agrégation, quoi. Et le fait est que sans agrégation, être professeur, bah, ton salaire est beaucoup moins élevé, t'as beaucoup moins de... Enfin, en fait, le truc, c'est qu'une fois que t'es prof et que t'enseignes ta matière, pour pouvoir évoluer dans le métier, il faut pouvoir montrer des choses. Sauf que quand t'es prof, qu'est-ce que tu veux ? C'est compliqué, surtout en mathématiques, il faut juste faire un chapitre, quoi. Enfin, faire un programme, et c'est en plus qui est vachement conséquent. Du coup, en fait, le fait est que sans agrégation, tu n'as pas les contacts qui pourraient te permettre de faire d'autres choses en dehors de peut-être ça, peut-être, je ne sais pas, surveiller des créer des sujets d'examen, faire des projets inter-établissement, enfin, je ne sais pas, des tas de choses qui ne sont peut-être pas disponibles si tu n'as que le CAPES, quoi. Et le fait est que l'agrégation, bah, je ne sais pas si j'ai le niveau pour l'avoir, si j'ai la motivation pour l'avoir. Du coup, je me suis dit, bon, c'est un peu tendu. Voilà. Okay. Mais c'est ça qui fait remettre en question. C'est ça qui m'a fait me remettre en question. Puis après, bon, en général, je me suis dit qu'il fallait bien que je taffe un moment. Donc, je ne sais pas, je suis un peu dans une période, je me demande. Bonne ambiance, hein. Yes. Non, c'est pas spécialement négatif. Ou... Oui, Renan. Non, rien. C'est parce que, en fait, on ne peut pas juger, tu vois. Donc, finalement, ouais. Je ne peux pas vraiment me permettre de dire quelque chose ou de faire une sorte d'opinion générale sur tes questionnements, tu vois. Donc, et sinon, je ne sais pas comment rebondir non plus sur une autre question. Je n'ai pas trop d'idées, là, ce soir. Si, est-ce qu'il y a des cheveux qui se cachent sous ce bonnet ? Effectivement. Bah, alors, du coup, on ne le voit pas. Là, on pourrait douter. A priori, on pas, alors, j'ai un maximum de cheveux. Wow. Il se coud énormément de cheveux. Voilà. Avec une coiffure exceptionnelle. Voilà. On a vu une transformation Super Saiyan. C'est assez impressionnant. Effectivement. Ouais. Plutôt Sonic, je dirais. Mais... Donc, tu as un peu des cheveux d'artiste. Est-ce que tu fais de la peinture ? Je ne fais pas de peinture. Alors, j'essaie de me mettre au dessin, mais je ne suis pas assez patient pour ça. J'ai fait du violoncelle pendant 10 ans. C'était vraiment bien. J'ai bien aimé. J'ai arrêté parce que j'ai eu une prof qui ne m'a pas beaucoup plu. Et puis qu'à l'époque, je faisais ça... dans un cadre un peu plus scolaire, quoi. Et du coup, j'étais face à un examen que j'avais pas le niveau pour l'avoir. Et puis la prof m'a vraiment cassé en deux, quoi. Et j'y prenais plus de plaisir, du coup, j'ai arrêté. Je me suis mis à la guitare électrique et j'ai arrêté au bout de 3 ans. Et là, je suis en train de m'y remettre petit à petit. Voilà. Mais mes cheveux ne sont pas en relation avec mon côté artistique, effectivement. Ouais, t'as pas trouvé encore ton violon dingue, alors ? Pardon ? T'as pas encore trouvé ton violon dingue ? Mon violon dingue ? C'est-à-dire ta passion, ton. Enfin, ta passion, ton hobby en fait. Hein, ah ouais, alors pourtant j'ai testé plein de trucs. Hein. Ouais. Je peux te dire que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai essayé beaucoup de choses. Pour l'instant, en fait, la seule chose qui m'a fait rester dans une activité, c'est pas l'activité en elle-même, c'est plus les gens en fait, qui a l'ambiance, qui a. Typiquement, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petit, même mes parents, j'étais tellement indécis qu'ils m'ont inscrit. Au multisport, donc en gros toutes les semaines ça changeait de sport quoi. J'ai fait ça, j'ai fait de la natation, de l'escalade, et je me suis arrêté au kayak. Et en fait je me suis arrêté parce que il y avait beaucoup de sensations fortes, et puis surtout pour l'ambiance du club, c'était vraiment un truc super quoi. Mais je me suis arrêté pour ça. D'accord. Voilà. Multisport. T'as pas l'air d'être trop un solitaire, non ? Comment ? T'as pas l'air d'être trop un solitaire. Alors, je pensais pas, et en fait je me rends compte cette année que si peut-être. Je sais pas, l'indécision, en fait. Ressent oui, j'avoue là. Que en fait j'ai juste l'impression d'être indécis H24 à propos de tout. C'est extrêmement chiant, ça me fait chier moi-même moi quoi, genre, voilà. Ça te fatigue, ouais. Tu sais pas s'il faut aller dormir ou pas, est-ce que je mange. Ah non, mais tu sais que ça part vraiment. Non, je sais. C'est-à-dire que parfois tu vois j'ai faim, je sais pas quoi me faire à manger et juste j'y passe tellement de temps, enfin en fait je me dis tiens, je vais réfléchir à ça et je me mets à, je sais pas, à regarder un truc et puis j'oublie et puis du coup je suis en mode oh, putain j'ai faim et puis après du coup j'ai la flemme parce que tu vois tu commences à être fatigué et puis tu sais pas quoi faire et puis t'as la flemme et puis je vais même pas acheter à manger, enfin c'est la galère quoi, genre parfois c'est mais... je suis vraiment est-ce qu'en fait ton indécision est plutôt liée à une sorte de comment dire crainte renouvelée par rapport à l'avenir, genre tu dis si je fais ça ça va avoir telle conséquence et donc toujours là reconsidère tes choix parce que t'as peur que ça soit le mauvais choix, ou est-ce que c'est juste que t'arrives pas à décider parce que effectivement en fait j'arrive pas à trouver le choix optimal. C'est plus ça qu'autre chose, parfois j'arrive à trouver une bonne solution et après en général le fait en fait c'est plus les drawbacks de chaque point en fait, enfin de chaque option qui me bloque plus que autre chose en fait, ouais, plus que des préférences en fait, ouais voilà c'est ça. Ok, intéressant. T'es comme ça, Mathias, un peu ? Oui, je sais que tu te moquais de moi. Non, je te demandais. Alors, est-ce que moi, c'est pour l'impact que ça a après d'être indécis ? En soi, je ne pense pas, parce que j'essaye d'éviter les choix. Donc, c'est-à-dire, j'essaye pas de voir en opposition avec les choses. C'est-à-dire, je sais que je veux faire ça, mais je ne le vois pas comme un choix avec autre chose. C'est-à-dire, je sais que je veux manger, et j'essaye de me dire, ah, c'est ça que tu veux manger. Donc, j'essaye pas de... Mais si j'ai un vrai choix, c'est-à-dire si on me pose une question avec une réponse binaire, là, c'est un peu, c'est la grosse panique. Et donc, je demande à la personne qui m'a posé la question de choisir pour moi. Bien. Voilà. Malin. Notre technique. Tu pourrais peut-être appliquer cette technique-là. Bah, c'est vrai que c'est pas bête du tout. Enfin, j'y avais pas pensé. C'est vraiment une des choses. Souvent, quand tu réfléchis, tu te dis où se trouve la solution. Et en fait, depuis le début, ça se trouve que t'es passé à côté. Genre que t'as fait un choix au tout début. Et en fait, peut-être que le truc, c'est de pas se poser ce genre de dilemme, en fait. Et puis, de juste faire des trucs, quoi. D'esquiver. Je fais des trucs. Moi, est-ce que vous reconnaissez ce générique ? Évidemment. Évidemment ? Non mais oui. Le générique, pas la musique. Il va pas réussir à faire le générique, il va pas réussir à faire cette chronique, tu vois bien, vu ce qu'on vient de dire, c'est un échec. Tu penses ? Je pense. Je pense qu'il faut le... Tu penses ? Faut le... Tu penses ? Le tester. Je pense. Alors, c'était si j'étais... Je dois trouver... Si j'étais quoi ? Dis-moi. J'adore cette musique. Si j'étais un animal... Est-ce que je dois pas reprendre les paroles si j'étais un animal, alors je serais... Faut que tu choisisses entre tous les animaux, hein. Fais attention. Hein. Entre tous les animaux. Je vais pas te paniquer, mais il faut que tu choisisses là. Ah ok, je vais choisir attention, un oiseau. Il y a beaucoup d'animaux. Alors, un oiseau. Est-ce que tu vas réussir à faire un choix ? Un oiseau, je vais choisir un rouge-gorge. T'es sûr ? Ouais. Pourquoi un rouge-gorge ? C'est discret, et puis ça fait sa vie, pépère. Je sais pas, j'aime bien. Bah après, c'est pas très social, du coup ça me représente... Enfin, c'est pas ce que j'aimerais être, mais bon. C'est ok tiers, je pense. Ça piaille beaucoup quand même, hein. Ça fait quand même beaucoup de bruit. C'est pas faux. Tu piailles un peu ouais, non, mais là, tu vois, typiquement, là, il faudrait que je trouve une réponse optimale à cette question. C'est compliqué de ouf, hein. Genre, je sais pas du tout. Et, si t'étais un dessert. Si j'étais un dessert, je pense que je serais. Là, je pense que je serais une tarte aux framboises. C'est archi bon. C'est frais, les fruits, tu vois. Voilà. C'est juste parce que c'est bon, en fait, je pense. Donc en fait, tu voudrais être quelque chose que tu aimes bien. Ah, ouais, effectivement, je pense que... Ouais. Bah, en fait, j'avoue que c'est le critère que j'ai choisi pour faire mon choix. Ouais, c'est pas mal comme critère pour choisir. Si t'étais un réseau social, tu serais lequel ? Alors, les réseaux sociaux, je t'avoue que genre, je me suis inscrit sur Facebook, j'y vais plus. J'ai Snap, mais j'y vais pas. Et ouais. C'est tout. L'homme est étrange. Donc tu serais pas un réseau social ? Alors, ah si, peut-être 9gag, si on peut considérer ça comme un réseau social. une source de divertissement. J'adore Nine Gag. C'est quoi un peu? Bon, c'est un peu en train de tomber en ruine, mais en gros, c'est une application là où les gens postent des mèmes, des gifs, je sais plus si c'est generated gif. Bon, alors des gifs. On peut avoir ce débat si vous voulez. Non, on n'aura pas ce débat. Alors oui, du coup, des mèmes, des gifs, enfin, voilà, des trucs marrants. Et avec beaucoup de blagues, de running jokes que tu connais pas à la base en fait. Enfin, moi j'étais pas là depuis le début de Nine Gag et que tu commences à comprendre petit à petit, il y a une sorte de communauté de petites blagues qui se font. Ça. C'est assez marrant en fait. Mais depuis un moment, c'est plus devenu un peu d'échec qu'autre chose parce qu'il y a beaucoup de riposte, beaucoup de trucs un peu nuls. Enfin, ça se renouvelle pas quoi. Okay. Tu te renouvelles pas toi non plus? T'as du mal à renouveler? Alors, du mal, c'est-à-dire dans quel. Dans ta personnalité, ton identité, ou tu cherches peut-être pas. Alors, je suis en train de chercher plus qu'autre chose en ce moment. Genre, je suis. Enfin, non, personnalité. T'as je sais t'as pas. Beaucoup douté, donc je pense que. Bah, je alors, je réfléchis. Alors. Non, mais c'est pas bon, franchement, je vais pas me. Alors, en fait, en ce moment, je suis vachement en train de comment dire, de réfléchir. Alors, pas à ma personnalité, je sais pas, des façons de penser, genre des situations. Comment réagir face à telle chose, genre je sais pas, genre parfois je me pose des questions plus, c'est plus en général pourquoi j'ai réagi comme ça ou pourquoi telle personne a réagi comme ça et puis ouais, voilà. Okay. Mais alors est-ce que je remets en question vraiment non, je pense pas. Et si tu devais choisir un divertissement que tu dois utiliser jusqu'à la fin de ta vie, t'as le droit d'en utiliser qu'un seul. Alors un truc masturbation. Pas toi Renan, ça on alors pas ça exactement. Qu'est-ce que je pourrais choisir? Faudrait quelque chose qui soit vraiment palassant, genre ou... ouais palassant, quelque chose dans lequel tu peux toujours découvrir un truc nouveau vraiment la masturbation c'est ça genre c'est ça, non, bah non mais le sexe tu peux toujours découvrir une position mais enfin au bout d'un moment t'en as marre quoi je pense ouais. Je sais pas okay. Moi je me dirais ça. Non avec Renan est très original ouais. Laissez-le répondre des choses avec Jésus il a toujours pas répondu laissez-le répondre. Oh, putain je sais pas une activité Le short track. Non, je pense que ce serait un sport parce qu'il faudrait que je bouge, quoi. Il faudrait faire des trucs. Je pense que le kayak, en vrai, c'est vachement bien. Parce que c'est. Déjà, si tu fais vraiment des gros trucs, tu sais pas si tu vas le finir, en fait, déjà. Genre, c'est un peu. Il y a vraiment pas mal de peur, beaucoup d'adrénaline. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, je pense. Le kayak, c'est bien. Jusqu'à cool. La fin de ta vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Et puis, du coup, si du coup, ma vie se résumait à ça, si vraiment on me disait va faire ça, tu vois, je deviendrais pro. J'aurais trop chaud. Évidemment. Je me baladerais, je pense, au bord d'un petit van avec mon kayak et j'irais faire les rivières, genre en Suède, les trucs comme ça, là où il fait froid et tout. Mais est-ce que ta vie serait un long fleuve tranquille ou pas? Non, bah non, du coup, du kayak, classe 5 pour les gens qui écoutent et qui font du kayak. Ça me pense assez peu probable, mais bon. Voilà. Bah, dis donc. Il y a des gens qui font du kayak ici. Bah oui. Excellent, bah voilà. Bah, il va même piquer un micro parce que je lui avais dit de venir ce soir. Et il refuse. Et il refuse. Et il s'en va. Alors, c'est qui? C'est monsieur Alexandre Dazoni qui est le papa de la radio. Et voilà, il est parti, mais il viendra d'ici quelques semaines. Bon, voilà, c'était une apparition très excellent. Très, c'est vraiment rare les gens qui font du kayak. Hein. Mmh. Profitez-en. Bah, il est reparti en kayak. Plouf. Yes. Merci pour ça, Mathias. Il y a l'Yvette, hein? Oui, ah, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a une vague qui est surf. Enfin, je pense qu'elle est presque surfac. Parfois elle l'est, parfois non. Devant le nouveau institut de mathématiques, là, le petit. Il y a moyen de surfer cette vague. Enfin, à certains moments, quand il pleut beaucoup, que c'est au bon endroit, il y a deux contre-courants. Tu peux bien surfer la vague, genre. Putain, go. Si t'as ton délire. Enfin, ouais, ton kayak et tout. Tu connais la descente de l'Yvette? Non, du tout. C'est quoi ça? Avant, c'était un événement institutionnel de l'université qui a été maintenant maintenu à vie par certaines associations et pour lequel il s'agit de construire un radeau et en fait de descendre l'Yvette au début de l'été. Et ça passe vraiment par là et tout. Putain, carrément stylé. Ça part? Bah, ouais, franchement, ça part avec Go de Jit Faker. Go. Another you, it's gotta be. Love, I said it. You gotta know. I'm feeling love. You gotta know. I'm feeling love. You gotta know. I'm feeling love. Made it gold. I'll never love another one. Another you. It's gotta be. Love, I said it. I might as well be in our garden. I said, I smell in the air as a dripping rose. old to be my warden of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it, and you close your eyes to see what it's done. The hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it, and you close your eyes. It's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. You gotta know I'm feeling love, made it go. I'll never love another one, another you. It's gotta be. On se retrouve sur Radio Campus Sorcet après cette merveilleuse musique. Qui était Ah non, tu l'avais dit. Mais je peux le rappeler qui était Gold de Cheat Faker pour les gens qui nous ont rejoints. Mais parce qu'on m'a dit qu'on passait la musique cool RCO et souvent les gens étaient frustrés parce que c'est pas ce qu'on passait. Ah oui, ouais, je voudrais savoir ce qu'on passe et passe quoi, peut-être ta maman. Et moi, vu que je suis un peu une merde, je sais jamais ce qu'on passe, tu vois, donc je peux pas leur dire. Mais y a pas un planning, genre. J'en sais rien. T'as cru qu'on était FIP là. Non, mais j'en sais rien, tu vois, genre. Alors, dans 5 minutes. Vous écoutez Radio Campus Orsay. Non, mais c'est pas ça faisait longtemps que je l'avais pas mis, désolé. Alors, c'est son jeu. Non, il y a pas. Non, on n'a pas de. Il faudrait qu'on fasse un truc comme ça. Des plannings musicaux. Et qu'on annonce sur le site, ouais, mais. On est toujours avec Lulu, mais quel est ton vrai prénom ? Mon vrai prénom. Tu peux nous le faire deviner rapidement. Alors, il va falloir que je trouve. Une manière de nous le faire deviner sans que ce soit alors, trop facile. Alors, c'est. Il y a un violoncelliste connu qui a eu porté ce prénom. Wow. Un très connu, mais alors voilà. Victor. Il y a eu. Alors, il y a eu un musicien. Il y a eu. Il y a eu un peintre. Il y a eu un narcotrafiquant. Il y a eu. Un narcotrafiquant. Pablo. Effectivement. Voilà. C'était. Le problème, c'est que voilà. C'est qui Pablo, le violoncelliste ? Pablo Casals. Un très grand violoncelliste. Il est vraiment très très chaud. Hein. Voilà, donc si vous voulez. Bon, après, il y en a des mieux à écouter. Hein, mais. Voilà. Oh ! Mais il est très fort. Ouf. Il est Pablo très chaud. Escobar. Pablo Escobar, connu. Est-ce que. Connu, c'est connu c'est on peut le dire. Qui représente le mieux ? Pablo Escobar ou Pablo. Casals. Ou alors, aucune idée. Pablo Casals, je sais juste qu'il était violoncelliste et je connais une de ses pièces parce que mon prof de violoncelle à l'époque me l'avait joué et j'avais trouvé ça trop stylé. Mais c'est tout ce que je sais à propos de lui. Il y a Pablo Neruda, un poète aussi espagnol. Lui, je connais pas sa personnalité non plus, je sais pas trop. Franchement, je sais pas. Je sais juste que Pablo Escobar, nope. On a senti le petit accent là à la fin sur le R. Alors, oui, effectivement, bah, à chaque fois que je dis des choses en espagnol, je les prononce. Tu fais de l'espagnol ? Ma mère est espagnole, je suis bilingue. Enfin, c'est ma langue maternelle. Voilà. Voilà. Gênant. La révélation de trop. La révélation de trop. Non, alors, parce que Pablo m'avait averti deux fois, alors deux reprises. Alors, je veux bien être l'invité mystère, mais je refuse de parler en espagnol. Alors, non, c'est pas plus. En fait, c'était donc j'accepte pour vous si vous voulez parler espagnol, mais c'était plus le fait qu'on mette en mode vas-y, dis-moi un truc. Enfin, c'est. Ça a beau être un cliché, genre c'est vraiment chelou, genre tu sais pas quoi te dire en fait quand on arrive, on te dit ouais vas-y dis-moi un truc en espagnol maintenant, t'es en mode bon. Moi j'allais pas, enfin je voulais pas spécialement parler de ça, je voulais plus parler culture. Je peux te parler de ça. J'ai juste une question pour juste avant, c'est parce qu'on se pose tout le temps cette question de dire un truc en espagnol. Ouais, et alors en fait, enfin je sais pas en fait, genre je pense que je suis timide en général, sauf une fois que genre j'ai réussi à connaître la personne, tu vois. Et le fait est que quand on me pose cette question, bah à chaque fois ça me genre ça c'est grave gênant en fait, genre je sais pas quoi dire, je suis en mode ah, et puis ça me fout juste dans une situation où, genre je sais pas, c'est comme une sorte de ouais, c'est pas une hantise non plus, hein, on va pas se le cacher, mais bon genre je suis pas, enfin juste c'est pas une question à laquelle je sais répondre quoi. Ça aurait été une phrase typique. Ouais, voilà, c'est ça. À chaque fois je vous dis, je leur dis, je réponds qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais genre ferme ta gueule connard, un truc en espagnol. Pues cállate cabrón, supongo sería. Et voilà. Mais ouais, bon. S'il te plaît, faut rajouter ça. Por favor. Donc oui, vas-y, si tu veux, t'as des questions. Alors, je viens d'Andalousie. C'est donc la province au sud de l'Espagne, la plus au sud, de Séville, exactement. Donc c'est la capitale de l'Andalousie, de la commune autonome d'Andalousie, plus exactement. Oui, j'ai fait espagnol LV3. Ouais. Voilà, bah, du coup. Je situe. Donc voilà. Non, mais je sais pas, c'est pas mon émission, mais ensuite on peut s'y intéresser. Mais... Bah, si vous voulez poser quelques questions sur l'Espagne, mais après on a des chroniques des sujets, de Renan choisi. Bon, il y a encore des sujets, mais moi j'avais une question, la question enfin que tout le monde attend. Est-ce que Pablo réussira à répondre? Mais moi j'ai pas, moi il y a aucune question, je n'ai aucune question en tête personnelle qui me vienne sur l'Espagne, mais si t'en as une, Kevin, vraiment vas-y. Alors non, on me fait signe que non. Enfin non, c'est pas moi qui fais signe que non. Ah. Qu'est-ce que tu penses de l'indépendance? Alors, qu'est-ce que je pense de la dépendance catalane? Non, alors, l'indépendance d'Espagne. Non. Ah, par rapport à la Catalogne, hein, parce qu'il faut quand même le dire, parce qu'on va enfin être déchu de ces emmerdeurs. Alors, l'indépendance, c'est un sujet très compliqué. J'essaie de le voir avec de manière. Enfin, en fait, vu que je suis pas du tout. Enfin, je me sens espagnol parce que voilà, c'est comme, je sais pas, tu vois le drapeau espagnol, je sais pas, c'est voilà, c'est comme ça. Mais je me sens pas vraiment impliqué dans le débat énorme, vraiment de manière. Pas autant que les gens là-bas, tu vois, genre typiquement les Catalans. Il y a vraiment une sorte de tension vraiment énorme qui s'est mise en place entre les différentes régions d'Espagne, en fait. Et ça n'a pas lieu d'être, en fait, je pense. Mais alors, que penser de ça? Je pense qu'il y a beaucoup de... c'est compliqué parce que... Les moyens qui ont été mis en place, qui ont été utilisés des deux côtés, sont quand même un peu radicaux. Oui, en fait, le problème, c'est que... je pense, alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup trop de choses à dire, mais c'est vrai que ça a été un peu mal géré, et puis en fait, c'est vrai qu'il y a eu, on a entendu que les radicaux là-dedans, c'est vrai en fait, genre si t'étais pas, enfin c'est ça le problème en fait, c'est qu'il n'y a pas eu de dialogue en fait, il y a eu une sorte de dissension directement entre les gens qui étaient indépendants et les gens qui étaient pour l'Espagne quoi, et en fait vraiment t'étais l'ennemi, enfin, c'est encore le cas, je suppose, qu'il y a encore quelques tensions, quoi. Genre, t'étais vraiment l'ennemi, quoi. Si t'étais indépendantiste, t'étais contre ta patrie. Et si t'étais pas indépendantiste, t'étais, genre, le gars du... Enfin, le régime... Enfin, c'était complètement débile, en fait. C'était... Ça avait pas de sens, en fait, de faire ça. Et puis, à l'intérieur de ça, bah, je sais pas, genre, j'ai vu des choses, j'ai lu et vu des choses là-dessus, typiquement. Il y a beaucoup de problèmes, tels que, là-bas... donc la langue officielle de l'Espagne, c'est le castillan. C'est quand je parle espagnol, t'entends du castillan, tu vois. Et donc du coup dans les communes autonomes, donc en Catalogne, on parle le catalan. Et en fait à l'école là-bas, c'est tellement, donc en fait le truc c'est que les régions sont déjà super indépendantes en fait en Espagne. Et ils ont la main mise sur leur système éducatif, sur les systèmes économiques. En fait ils font un peu ce qu'ils veulent avec ce qu'ils ont quoi. Et du coup là-bas, tout était enseigné en catalan, sauf une ou deux heures par semaine de castillan. C'est-à-dire qu'en fait, là-bas, si tu leur demandes en Catalogne l'Andalousie où c'est, ils pensent que c'est un pays. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu regardes dans les manuels en école primaire, il n'y a rien qui est dit sur l'Espagne. Genre, la Catalogne est une région de l'Europe dans l'État espagnol, comme si c'était genre, je sais pas, genre Monaco, tu vois, ce que je veux dire. Et voilà, enfin, il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Enfin, c'est très mal. Le problème, c'est que ça part tellement loin que si t'envoies pas l'État, enfin, tu te dis il faut l'envoyer l'État pour tout niquer, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est pas la bonne réponse parce que du coup, ça crée ces tensions justement là. Et d'un autre côté, c'est pas normal qu'il y ait ça à l'école, par exemple, tu vois. Genre, enfin, il y a, je sais pas, genre, je t'avoue que j'ai pas assez réfléchi pour avoir une bonne solution. Et on a une situation un petit peu similaire que tu peux voir un peu de manière un peu plus détachée en France, qui est par rapport à la Corse. Ouais, effectivement. Bon, après là, ça s'est calmé, la Corse, depuis les années. Oui, mais il y a des échanges même actuellement politiques sur la modification du statut même de la Corse, ah ouais, qui est toujours demandé. Enfin, il y a moins d'affrontements, et c'est sûr qu'il y a c'est moins visible, c'est moins brutal. Hein. Après, en fait, moi je trouve que l'indépendance en soi, c'est quelque chose. Enfin, à moins que ce soit vraiment quelque chose qui soit oppressé, quoi, tu vois. Genre, qui est vraiment une oppression. Je pense que l'indépendance, bah, c'est un peu bête. Je pense plus que c'est l'inclusion qui est logique, tu vois. Il n'y a pas de raison. Enfin, bon, après, je t'avoue que je sais pas, parce que moi, je suis pas. J'ai pas ce sentiment d'appartenir à, par exemple, j'ai pas ce sentiment d'être né en Corse, d'appartenir là-bas. Je suppose que quand tu vas là-bas, vraiment, tu as l'impression d'être chez toi pour de vrai, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un sentiment que j'ai, mais je pense pas que quelque chose justifie le fait aussi radical de vouloir carrément se dissocier de ton pays, quoi. Enfin, je sais pas. En tout cas, tu as très bien expliqué le problème, même si tu n'as pas la réponse. Je n'ai pas de réponse. Donc tu pourrais faire prof de maths. Optimal, je n'ai pas de réponse optimale. Désolé. Ah non, ouais, tu pourrais tenter. Bien, merci beaucoup, Pablo, d'être venu. Est-ce que ça va? Ça s'est pas trop mal passé. M'a vachement plu à partir du moment là où j'ai parlé. J'ai trouvé ça vraiment super. C'est avec plaisir que tu pourras revenir pour faire une intervention. Et je reviendrai avec plaisir. Je reviendrai mardi soir à 19h37. Je pense que tu vas me libérer. Oui, voilà, j'ai un peu du temps assez conséquent. Pas du tout. Est-ce qu'on lui pose the question? Ah oui, vas-y. Ouais, alors, imaginons que tu es à Séville. Ouais. Ouais. Avec ton meilleur pote, ton cousin, comme tu dis, ton ouais. Srab. Voilà, voilà. Et vous commandez un plat de moules. Mm-hmm. Tu manges quoi? Les moules, tu les manges comment là-bas? Une sauce particulière? J'aime pas les moules, mais... Mais tu commandes. Ok, je commande des moules, bah je prendrais un truc genre chèvre. Il y a une sauce chèvre. Une sauce chèvre. Alors, et là, tu commences à manger des moules. Et il y a ton cousin qui te regarde et il te fait... Je viens de manger une moule et elle avait trop goût de moule. Est-ce que tu penses que sa question est justifiée? Est-ce qu'une moule peut avoir trop le goût de moule? Ou trop le goût de chèvre? Trop Alors, le goût de chèvre. C'est une excellente question. Ça dépend ce que tu définis par trop le goût de moule, tu vois. Si c'est trop iodé, ouais, je suppose. Après, je sais pas, parce que je t'avoue, je suis pas un spécialiste en moule de type manger. Et les chèvres. Alors, imagine que tu manges du chèvre, tu manges un fromage de chèvre, oui. C'est trop goût de chèvre. Trop goût de chèvre, ouais, franchement, moi, ça m'est déjà arrivé de goûter un fromage de chèvre et qui, genre, en fait, tu le mangeais et tu sentais la ferme, genre vraiment, t'as l'impression que ton nez allait exploser, quoi, t'étais pas bien. Non, franchement, c'était tendu. Et dans ce cas, est-ce que c'était encore le chef que tu sentais ou est-ce que c'était autre ouais, chose? Ouais, franchement, ça sentait la chèvre. Genre, legit, t'avais l'impression d'être dans l'étable, quoi. C'est tendu, ouais. Mais bon, après, pour les moules, je suis pas un expert. Je sais pas. Voilà. Il n'y a pas de moule contre le goût de moule. Mais pour le chèvre, ça t'est arrivé en tout cas. Pour le chèvre, ça m'est arrivé. On a eu, c'était il y a 2 semaines, quelqu'un qui nous a dit qu'il avait déjà mangé des carottes râpées qui avaient trop le goût de carottes. c'est pas une blague. Bon, alors ça s'est tendu par contre. Et, parce qu'il avait, il les avait fait râper et cuit à la vapeur. Et quand il les avait mangés, ça avait trop le goût de carottes. Ouais. Donc voilà cette question. Bon, on retiendra que Pablo a plus d'expérience des chèvres que des moules. Donc, ok, ça, donc c'est ça qu'on retire de cette soirée. Ça me fait vraiment plaisir. Certains paysans aussi ont plus de... s'ils n'habitent pas à côté de la mer, ils ont plus d'expérience avec les chèvres qu'avec des moules. Bon. Voilà. Sur ce, une petite pause musicale. Moi, je vais vous proposer... Ah, celle-ci, je l'avais vue tout à l'heure. Et là, je ne la retrouve plus. Ah, c'est super gênant. Eh bien, tant pis, ça va être celle-là. Let me tomar la in. s'est arrêté d'un seul coup, de manière très très nette. Mais sauf que ça suit, ça va, on est toujours sur Radio Campus Orsay et on vient d'écouter ce merveilleux titre qui est Arzan de Soup Kills. Soup Kills qui est un groupe libanais qui ne fait plus de musique, qui font partie du trip-hop, c'est un style de musique. Et c'est des frères et sœurs, je pense, c'est Zed et Yasmine Hamdam qui font cette musique. Ils sont arrêtés de faire de musique en 2005 malheureusement, mais ça c'était Arzan que vous pouvez retrouver, qui est une découverte Radio Nova. Donc, Soap Kills, le savon, ça tue. Renan, toi qui es très cultivé et qui lis beaucoup, pourrais-tu nous faire découvrir un mot assez original aujourd'hui, en ce vendredi ? On aime les mots, non ? On aime les mots. C'est pas mal. Puis bah, la radio, quand on parle, c'est nécessaire. La culture, c'est ce qui nous reste quand tout a disparu, n'est-ce pas ? Quand tout est parti ? Effectivement. Effectivement. Alors, c'est ce qui reste d'une société une fois qu'elle a disparu, je pense. Voilà, genre les ruines, tout ça. Ouais. Et la langue, parce que la langue reste même quand... Ouais, mais la culture genre vivante, tu vois, les trucs qui se savent juste pendant le moment. Moi, je me souviens de tout. Ouais, bon, ok. Et des mots, surtout. Ouais, des mots. Et on va parler des mots, et je vais te susciter un peu, Pablo. Oui. Tu vas essayer de deviner le sens des mots. Très bien. Que je vais donner. Alors, j'en ai que deux, c'est pour aujourd'hui. C'est très bien. C'est très bien. Alors déjà, le mot calipige. Calipige. Donc j'avais dit c'était un adjectif. Ah oui, alors, c'est un adjectif. C'était un adjectif. Alors, calipige. Donc, on peut dire de quelqu'un qu'il est calipige ou pas ? Oui, on peut. Alors, est-ce que ça se dit pour des gens ? C'est quelque chose pour un objet, peut-être plus ? Non, absolument pas. Alors, c'est pour des gens. C'est pour des gens, calipige, ok. C'est absolument que pour des gens. Mais alors, est-ce qu'en m'aidant plus ou moins de la racine, je peux trouver quelque chose en la langue latine qui ressemble à peu près, genre dans une langue latine qui ressemble à peu près, genre, calipige ? Alors, oui, mais il faudrait que tu sois très fort parce que vraiment, le mot est beaucoup modifié. Ça rend le truc vraiment impossible à deviner quand je dis ça, mais accroche-toi, ça va. Mais oui, tu peux. C'est pas du latin, par contre. Alors, je t'avoue que Cali, je le sens bien, tu vois. Cali, y a plein de choses qui commencent par Cali, tu vois. Oui, mais alors, pige, genre Cali, Explaner... Cali, c'est la racine grecque Kalos. Kalos. Ah bah ouais. ça veut dire quelque chose de beau. Il a, de voilà, beau bon, c'est ça. C'était le plus difficile à deviner. Donc en fait. C'était Kali. Merci. Kali, Kali. Kali, ça fait Kalos. Kali quoi? Kali pige. Pige. Oui. Pige. Quelque chose de beau. Donc ça dans pige, c'est quelque chose de. Enfin, genre, ouais. Ok. Ah, tu trouveras pas là. Genre, tu viens de plus en plus beau au fil du temps. Pourquoi pige? Bah, pige les années quoi. Bon, c'est un peu familier, tu vois. Mais... Kali pige, tu deviens. C'est la beauté matière. C'est, oui, voilà, c'est la qualité au fil des années. Certains pourraient la penser... qualité au fil des années. C'est, ça sonne tellement bien. Certains pourraient penser que l'objet en question pourrait devenir plus beau avec les années. C'est vrai. Peu de personnes. Peu de personnes, à mon avis. Mais certaines personnes. On est encore sur les moules. Ça dépend à partir de quel âge. Ah, bah oui. Ouais, si, du coup, oui. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, à part. Oui. Bah, on va dire. Il y a un point limite où c'est déjà complexe, mais. Ça va faire un pic, en fait, de beauté. Une apogée. Ouais, c'est bien ce que je disais, on est encore sur les moules. Ouais, du coup, Calipi, je vois pas en fait, pige, j'avoue que j'ai du mal. Calipi, je sais pas. Ok, c'est quoi, alors, c'est quoi les parties du corps que tu trouves beaux? Vas-y, dis-moi. Vas-y, fais-moi une liste. Et qui font un pic. Voilà. Ah, on parle. De beauté. C'est un pic de beauté. Fais-moi ton top. Pic de beauté, vraiment. Vas-y, fais-moi ton top 3 des parties du alors, corps. Alors, je vais dire chez une fille. Si ou chez un homme, si chez une fille, ok, très bien. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Alors, ce qui m'inspire le plus, c'est pas les chèvres, les yeux. Pas les chèvres. Alors, quel monde avec les chèvres? En plus, j'ai pas tant que ça le fromage de chèvre, mais les yeux, je dirais. Les yeux, la moustache. Les yeux, alors la moustache avant tout, hein, on va pas se le cacher. Non, ses yeux, c'est vraiment important. Faut que tu sois un peu brusque si tu veux trouver Kali Pige. Hein, son sourire. Son sourire et ses cheveux. Ses cheveux, comment ça, ses cheveux? Donc, les yeux, le sourire et. Les yeux, le sourire. Vas-y, fonce. N'aie pas peur. Les yeux, le sourire. Bah écoute. Vas-y. Bah le cul. Oui hey. Quelle épiche, ça veut dire avoir de très belles fesses. Ah tu vois. Putain, mais tu. tu me l'avais pas déjà parlé vite fait d'un truc comme ça. Et oui, donc on dira de quelqu'un qu'il est. Oui, qu'il est calipige. Qu'il a une apparence calipige, un truc comme ça. Enfin, ah ouais, ok. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a de belles fesses. Ah ouais. Qui a de belles fesses, calipige. Ah, quand même, ok, c'était tendu celui-là. Surtout, c'est très utilisé en français, mais pour dire par exemple, on va dire machin calipige. Genre, c'est une sorte de surnom, tu vas genre dire. Parce que tu sais, avant, les Grecs le faisaient comme ça. Par exemple, ils disaient. Anastasia Calipige. Ouais. Et ça voudrait dire Anastasia qui a de belles fesses. Voilà. Et on va, ah dire, okay, exemple, on va dire par exemple, c'est un surnom, tu dis Pablo Calipige, Pablo qui a des belles fesses. Okay. Pour parler de quelqu'un. Genre, blaguer. Ok, très bien. Okay. Bête de bouti quoi. Ouais. Voilà, bête de bouti. C'est... Okay, ouais. C'est quoi l'autre mot? Comme quoi, tu vois, les choses n'ont pas tant changé. Effectivement. Est-ce que tu réussis à trouver un rebondissement? Je sais pas s'il faisait des squats. faisait des squats. Est-ce que tu pourras retrouver un rebondissement entre Calipige et le prochain mot? Ah, je pense que tu peux. Absolument aucun, mais par contre, c'était un mot qui avait un rapport avec l'actualité, c'est ce que j'avais choisi. Parce que c'était le mot que je voulais faire cette semaine en fait, en priorité. Voilà, c'est le mot équanimité. Ouf. Et c'est un mot qui a un rapport à une activité que tu as rappelé tout à l'heure. Mm-hmm. En fait. Et quoi donc... Alors là, par contre, on peut aussi le trouver avec. Équanimité. Ouais, équanimité. Équanimité. Équanimité, ouais. Bah, tout le monde est d'accord? Non, tout le monde est égal. Alors, écoute, c'est bon, égalité. Mais c'est pas tout le monde, non. Il y a autant de personnes qui sont égales. Non. Qui sont d'accord, non. C'est parce que c'est marrant. Je pense à unanimité et équanimité. Ça veut dire qu'il y a autant des deux parties qui sont d'accord. En fait, c'est marrant parce qu'unanimité, oui, il y a... Ou c'est une entente, plutôt, non. Non. Unanimité. Alors, unanimité, c'est una. Mm-hmm. Donc, un seul. Mm-hmm. Et après, anam. Un seul fait tout enfin ouais ok genre tout forme anam c'est le truc qui compose les deux équanimité comme unanimité donc anam c'est quoi anam mais alors unanimité c'est qu'il y a un seul avis qui sort ou une seule opinion non pas exactement ça. Pas exactement bon je vais t'aider entre nous Mathias il y a beaucoup d'équanimité il y a pas mal de on est souvent d'accord Souvent d'accord, mais il y a des désaccords. Un respect craintif mêlé d'admiration. Je sais pas pourquoi t'as pensé ça par rapport à l'accord, mais. Bah si, ça c'est d'accord. Il y a autant d'accord que de désaccord. Non, mais ça c'est d'accord. Ok, bon, je balance ou pas ce que c'est? Balance. Anima, en latin, ça veut dire l'âme. D'accord. Et donc unanimité, ça veut dire que d'une seule âme. Et c'est quand tout le monde est d'accord d'une seule âme, d'une seule volonté en fait. Mm-hmm. Et équanimité, c'est l'égalité d'âme, et ça. Bon, fait référence à des sentiments réciproques de bienveillance où deux personnes vont mettre leur âme à égalité et devenir. Alors, ça peut pas vraiment dire. L'équanimité, c'est pas vraiment l'amitié, ça que je trouve ça intéressant. ça veut dire genre le respect pour une personne, mais ça implique quand même, ça peut impliquer de la, pas forcément la proximité, tu vois. Est-ce que tu vas avoir des équanimités négatives telles que ils sont équanimes sur le fait qu'ils se détestent? Ça serait une équanimité, ce serait une équanimité sur la haine. Inéquanime, ce serait inéquanime alors. Inéquanime. Ouais. D'accord. Inéquanime hein, même, inéquanime. Mais là, j'ai jamais vu ce mot, hein. Notamment. Hein. D'accord. Ouais, alors et comment t'as inventé? Je t'amenais un beau mot. Équanimité, tu vois, enfin genre, tu vois, des valeurs de solidarité, de respect, et toi, tu m'en fais un truc genre, ouais, on n'est pas d'accord. Toi, tu retournes vers l'hostilité, tu vois, toujours. Ah, j'essayais de voir, et donc, j'essayais de comprendre la construction du mot. C'est vrai, mais en fait, j'ai juste ce mot parce que je trouve que ce qui se passe entre la Corée du Nord et la Corée du Sud se rapproche un peu de l'équanimité, c'est-à-dire essayer de faire un pas l'un vers l'autre, même si c'est pas la passion ou l'amour profond genre URSS-Cuba. Voilà, c'est quand même un petit, y a un petit regard, tu vois, l'un pour l'autre, genre, bon, voilà, on va pas chier à la gueule, tu vois. Bon. Tu penses qu'au niveau des peuples, il y a un petit regard comme ça? Ouais, je pense, ouais. Entre la France et l'Allemagne depuis les années 50, ouais. La France et l'Allemagne et la Corée du Nord et celle du Sud. Mais franchement, la France et l'Allemagne, sur la Seconde Guerre mondiale, je pense que c'était aussi froid que la Corée du Nord et la Corée du Sud actuellement. Bon, quoique, c'est vrai qu'ils se menacent militairement, mais bon. Tout le monde, personne. Là, les belles images qu'on voit grâce aux Jeux Olympiques, c'est quand même très politique. Peut-être, très politisé. Oui. Et il y a eu énormément de manifestations en Corée du Sud contre ces opérations-là. Mais en Allemagne, entre l'Allemagne et la France, il y a eu énormément de trucs montés aussi politiquement et qui finalement ont fait avancer les choses au final, même si c'était de la com, ça a quand même fait avancer les choses à long terme. Je te dis pas que demain ils vont être amis. Hein. Je dis que peut-être que déjà, le fait qu'ils mettent en scène, c'est que déjà il y a une volonté derrière. Tu vois. Ils sont équanimes. Sur ce, je vous laisse sur Equanimity. Sur ces très beaux mots. Personnes qui nous écoutent, veuillez partager et nous soutenir en soi, vous en écoutant. S'il vous plaît, un peu d'animat. C'est affreux sur cette musique, c'est affreux. Ah oui, c'est vrai, moi je vous mets autre chose un peu qui chante. Oh. Ah, mais alors ça, aujourd'hui, je vais vous parler d'un prénom. Putain, on est passé sentiment de bienveillance, on va chauffer la matière, je crois. Ouais, là on chauffe, parce qu'il faut finir là. C'est l'heure de se préparer, on va commencer à manger, à s'habiller pour pouvoir partir en soirée et profiter du nouvel an chinois. C'est un peu l'optique. Mais avant ça, j'aimerais vous rappeler que ce n'est pas que le nouvel an chinois. Aujourd'hui, c'est aussi, il y a un saint patron. C'est Sainte Julienne. Alors, Sainte Julienne, alors déjà, c'est un nom pas très commun. Hein. La moyenne d'âge des Juliennes, c'est 77 ans. Ouais. Voilà, ça faut le dire. Et il y a pas beaucoup de Juliennes en France. Hein. Vraiment pas beaucoup. Il y en a de moins en moins encore. Le pic, c'était au début du 20e siècle. Alors, Julienne, déjà, il faut savoir, c'est un nom qui a une racine assez intéressante. c'est que ça vient de Iulius, qui est un nom romain. Donc, comment s'appelait ce Cicéron, qui vient de la pustule sur le pif. Oui. Iulius, c'était d'une grande famille riche qui s'autoproclamait des descendants de Vénus. Il y a toujours des significations profondes dans les noms. Et je pense que pendant l'Empire romain, c'était un peu plus clair que maintenant. Nous, on connaît plus spécialement la signification de nos noms. Donc Iulius, qui était un nom de famille porté pour dire qu'on était descendant de Vénus, s'est détourné en Julia, Julien, Julienne, etc. Et nous, on va parler des Juliennes. Alors, Sainte Julienne, qui c'était ? Alors, elle n'a pas eu une vie très cool, mais vraiment pas très cool. Elle fait partie des martyrs. Yes. Yes. Donc elle a été, on va dire, est-ce que c'est canonisé pour le fait de passer à être à saint ? Oui. C'est ça. Non. Donc elle a été canonisée parce qu'elle a été Julienne de légumes. Julienne quoi ? De légumes. Ah, il y a du Julienne Assange. C'est quoi Julienne Assange ? Je sais pas. Et alors Julienne, son père veut la forcer à se marier avec un vieux Gus. Yes. Et sauf que Julienne n'a pas très envie parce qu'elle aime Dieu et elle veut consacrer sa vie à Dieu. Donc son père il se fâche, et le mec qui voulait la marier, à mon avis elle devait être bien gaulée, il s'est chargé lui-même de la juger. Donc il a fait, je te juge, je vais créer un comité pour te juger, et vu que tu veux pas m'épouser, ben tu vas crever. Et ils lui ont versé du plomb liquide sur le corps, mais vu qu'elle était sainte et vierge, ça l'a pas cramé, mais elle est quand même morte au bout d'un moment. Et, bah oui. Voilà, un petit peu de plomb Sims le nez, legit. Ça fait du bien. Et ça s'est passé au 3e siècle, au 4e siècle, quand tu voulais pas te marier à quelqu'un, c'était pas très très cool, et surtout qu'on décidait encore pour toi, comme dans certains pays. Bon. Donc voilà, la pauvre Julienne, elle a fini cramée. Mais Julienne... Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin, oui. Et Julienne of Norwich est un personnage très très important, puisque c'est là... Alors, Julienne Norwich a vécu au 14e siècle, en Angleterre, et elle a écrit Relation of Divine Love, donc elle était toujours très croyante, c'est la relation de l'amour divin, toujours comme la Julienne qui est décédée au 4e siècle, elle aussi, elle aimait Dieu. Et elle a écrit un livre, elle était théologiste, elle a écrit un livre sur l'amour de Dieu. Et ce qui est important à noter, c'est que son livre qui a été publié ou achevé en 1395 à peu près, est le premier livre qui a été écrit par une femme en anglais. Donc voilà, c'est une Julienne qui a écrit le premier livre en anglais. Je trouve que c'est une plutôt bonne anecdote. Donc voilà, bonne Saint-Julienne en ce jour. Et voilà. Bah, surtout que les femmes étaient interdites à l'université, ce qui était un peu chaud. Donc c'était difficile après d'écrire ou d'avoir l'éducation pour pouvoir écrire. Quoi. Mais elle a quand même été... Tout en théologie, quoi. Oui. Ouais, elle a quand même un titre de théologiste. Donc voilà. Ça poussait des couilles entre-temps, pardon. Je voulais dire bonne Saint-Julienne, mais... Bonne Saint-Julienne. Si votre grand-mère s'appelle Julienne, bah bisous, hein, faites-lui un bisou. Bisous mamie. Bisous, c'est la bisous famille, mamie. Ça fait plaisir. Voilà. Et puis bisous à Dieu aussi. I'm not afraid to die. Voilà, c'est la fin de cette émission. On aimerait vous rappeler, vous remercier d'abord. On aimerait vous remercier de nous écouter. On aimerait vous remercier avec Renan de nous écouter. Je vous remercie tous, un par un. C'est vraiment super sympa de nous écouter. Un par un. Bah, tu peux le faire une seule fois. Ouais, c'est vrai. Si tu peux le faire non, faut le faire au moins 8 fois parce qu'on est dans le studio quand même. Ça, je pense qu'on va le poster sur Facebook. C'est pas mal comme punchline. Voilà, on aimerait vous remercier. On va essayer de progresser, toujours de vous proposer un contenu toujours plus intéressant, wow. Divertissant. Wow. On s'engage personnellement parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui arrivent bientôt. Alors, ça va faire un bout de temps que je dis ça, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors, il y a Campus en musique qui va faire des musiques, qui va faire une émission sur les musiques locales et les groupes qu'on peut entendre et les artistes de l'université. Leur première émission, ce sera sur la soirée jazz qui a eu lieu hier à la MAPS, qui était super. On a eu la chance d'avoir une interview avec Olivier Siol, qui organise le festival jazz à Versailles. On a pu l'interviewer. Et ainsi que le groupe du conservatoire d'Orsay, qui nous a fait une très belle prestation de jazz. Et ils étaient une dizaine, c'était vraiment super. Ils étaient tous dans le studio pour pouvoir les interviewer. C'était vraiment génial. Les événements à venir, c'est, comme je l'ai dit, la soirée Labo, qui a lieu le... Vendredi 23. Le vendredi 23 février. Ouais, au My Boat à Paris. Voilà, sur le My Boat à Paris, à la Villette. Ce sera super, prenez vos places, contactez Labo pour le snowball. Il y a aussi lundi soir, il y a la Cinéversité qui vous proposera un court-métrage pour un prix libre toujours, qui vous proposera 5 courts-métrages sur le thème de la justice, il me semble, n'est-ce pas, Renan ? Ouais, c'est la justice et ce sont des courts-métrages africains, d'origine africaine. D'origine africaine. Voilà. Et ça va être vraiment intéressant parce que présence d'une journaliste qui sera là pour commenter les courts-métrages et présence de la radio pour enregistrer le débat et qui sera rediffusé en podcast, je pense, le débat et aussi les avis et représenter encore le travail de Cinéversité qui est super de pouvoir nous proposer des films à un prix libre. Ouais. Voilà. Et vraiment, venez, je pense que ça va être vraiment intéressant. C'est un peu une sorte de chance unique de pouvoir avoir des films comme ça. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir des trucs aussi rares. Et je pense que ça va vraiment être marrant. Et donc, c'est un 20h en face de Jacques Tati. Alors, c'est quoi la MJC d'Orsay, prix libre pour pouvoir regarder 5 merveilleux courts-métrages avec Cinéversité pour rencontrer des étudiants. Mais aux événements Cinéversité, il n'y a pas que des étudiants, il y a tous les âges, c'est assez brassé, ce qui est assez super. Ouais. Voilà, on aimerait remercier Pablo, notre invité mystère, qui reviendra sûrement. Effectivement. Qui reviendra pour parler de tout, de rien. Et à l'improviste. À l'improviste, voilà. Et voilà, Tiffany, tu voulais dire rajouter quelque chose ? Non, du tout. Non, du tout, elle voulait rien rajouter. Bon, en ces temps froids, portez-vous bien, couvrez-vous bien. Et on ne faudra pas prendre froid. Et on se retrouve la semaine prochaine pour Radio Campus Orsay. Sur Radio Campus Orsay. Même horaire et avec autant de pêche. Même peut-être un peu plus parce que... Même horaire avec autant de pêche.